Ninja. Mais c'est pas possible, autant de bonne humeur comme ça, là, sans déconner. Faut arrêter un peu, Roux. Ouais, moi. Cher petit papa. Non. Cher grand-papa Noël. Cette année, j'ai été très sage et j'ai traité personne de pauvre con. Je voudrais que tu m'apportes un nouvel avion tout neuf, encore mieux que celui d'Obama, pour partir en vacances. Je voudrais aussi que les Français m'aiment plus, parce que franchement, cette année, les sondages n'étaient pas terribles. Et aussi, j'aimerais que Michael et tous ses racailles me laissent un peu tranquille. Sinon, j'appelle Besson. Et hop, un karcher pour... non, un charter pour le Portugal. Bien amicalement, Nicolas Sarkozy. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Énergie, Michael, l'animateur le plus cité dans les demandes de cadeaux au Père Noël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien. J-2. Ouais. Avant Noël et avant cet échange de cadeaux. Vous savez... échange de chocolat et de bûches. Oui, parce que je sais pas. Non, mais je parlais pour nous, hein. Enfin, on s'en fout les autres. Hein. Tout ce gras qu'on va prendre. Et je disais juste, il y a un mois, on avait tiré au sort dans le petit chapeau, dans le bonnet du roux, dégueulasse ouais. D'ailleurs. Et donc, chaque personne, comme chaque année, doit s'offrir un cadeau dans l'équipe. Donc, Sandro doit offrir au roux, le roux doit m'offrir, Tov doit offrir à. À Sandro, à moi. Non, à Jack. À Sandro, pardon. Sandro. Exactement. Jack doit offrir à Tov. Voilà, c'est ça. Polo doit offrir. À moi, à Jack, putain, non, et moi je galère. Moi je dois offrir à Pedro, et puis voilà, je crois. Bah, je t'ai acheté un cadeau. Pedro doit offrir à Micha. Ah oui, c'est vrai, exactement. Je t'ai acheté un cadeau, tu vas voir. Ouais, bah... Oh, tu vas être heureux. Ah, moi j'ai acheté plusieurs cadeaux. Oh là là là là. Ça va être de la merde, ça. Ah non, ça va être un super t'as cadeau. T'as payé cher ? Ouais, mine de rien, ouais. Non, mais combien ? Que c'est quoi. Je pense au moins, je dois être pas aux alentours de. J'ai pas niqué le budget. Hein. Ouais, on avait dit 20-30 euros maximum. Ouais, bah j'ai pas niqué le premier seuil. Ça fait pour moins de 20 euros. Bon, et bah, c'est très cher, bien. Quand même. Et bah nous parlerons tout à l'heure de l'échange de cadeaux. Je pense que eBay va encore brûler. Hein. Ouais. Ah, ça se revend pas. Ah bon ? Non, ça se revend pas à revendre ça. T'es sûr ? Ah ouais, il est tellement bien. Les gens, ils peuvent pas. Ouais, ils peuvent c'est tellement personnalisé qu'en fait, tu peux pas le leur vendre. Il va falloir s'en servir surtout. Ouais. Bon, on verra. Bon, on va en parler tout à l'heure, puisqu'apparemment, on a vu ça dans une enquête en Belgique. Les Belges n'ont aucun scrupule à revendre les cadeaux qui leur plaisent pas. Et ils ont raison au final. Bien sûr. Parce que tu gardes le cadeau. Ah ouais, mais on me l'a offert. Du coup, il reste là, il traîne. Non, bah, il faut le revendre ou le donner. Bah, tu le vends ou tu le donnes. Non, tu peux échanger, hein. Ouais, à la limite, tu peux les réoffrir aussi, ouais. Il y a des sites pour échanger les cadeaux. Il y a des sites, effectivement. Il y a des sites pour échanger les cadeaux. On en parlera tout à l'heure. Dites-nous si vous avez déjà fait des échanges de cadeaux. Si vous avez déjà revendu les cadeaux que vous aviez reçus, avec ou sans scrupule. Est-ce que vous en avez tiré beaucoup d'oseille? Ça peut être pas mal. Tu parlais d'eBay, en fait. Ils ont sorti une nouvelle version d'eBay, en fait, mais que pour millionnaires. Ça s'appelle Billionaire Exchange. C'est vrai? Ouais. En fait, c'est. Voilà, ils se font des échanges de yachts, tu vois, yachts pour une Ferrari et tout. Alors, j'ai essayé d'aller sur le truc, mais malheureusement, tu dois appeler quelqu'un et justifier ton salaire, quoi. T'as un salaire minimum pour être compte du site. Ah, ouais, bah forcément, sinon, t'as tous les crevards qui y seraient. Ouais, forcément. Mais bon, on parlera de Britney Spears aussi, qui a fait un classement des rumeurs les plus débiles sur elle. Alors, c'est elle qui l'a fait, hein. C'est pas un top à la con qu'on a trouvé. Non. Elle a fait un classement, elle, Britney Spears, des rumeurs les plus débiles sur sa personne. Même carrément les unes de journaux les plus débiles. Ah, c'est les unes de journaux, carrément. D'accord. Bon. Et puis Rocco Siffredi aussi qui va participer à l'émission d'Energie 12. Mes parents vont adorer, donc on aura l'occasion d'en reparler. Ils vont adorer ma bite. Et puis top 10 aussi des mots. C'est les mots les plus tapés sur Google. Mais par tranche d'âge. Voilà. Les 6, 8 ans, les 8, 12 ans. Ça a l'air tout naze, mais c'est hyper important la tranche d'âge parce les trucs. Les 8-12 ans sont portés sur une chose en particulier. Toutes les tranches, c'est vrai. Bon, on en parlera en tout cas tout à l'heure. Et puis, si vous aussi vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas. 6-11-12, débutez votre message par Énergie, vous laissez votre numéro de téléphone. Ça marche aussi sur amical.fm. Vous pouvez également appeler Micha au 0800 70 42 48. Merci. Et justement, en parlant de Micha, hein, on fait directement la transition sur celui qui ne bosse jamais. Puisque nous allons passer maintenant au répondeur, ou quoi qu'il arrive, même si vous êtes très très bon, vous avez laissé un super message, Micha ne vous rappellera pas pour vous donner votre cadeau. C'est dommage, mais n'hésitez pas à vous manifester. En attendant, on écoute le répondeur maintenant, c'est parti. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Roux, je t'aime pas. Roux, t'es moche. Roux, va te faire foutre. Roux, va te faire enculer. Roux, t'es un connard. Roux, je t'aime pas. Roux, tu pues. Roux, ton aisselle gauche, elle fuit. Roux, t'es un connard. Roux, t'es un pervers. Roux, va te faire foutre. Un ami à toi, non ? Fin du message. Message suivant. Allô, roux, tu sais que t'es roux. Boîte de carottes. Fin du message. Message suivant. Et ça vient de tomber, les subsidiaires viennent de disparaître aujourd'hui. Fin du message. Message suivant. Ouais, je vais y nommer, Micha, ce sera sympa que tu me rappelles. Ah ouais, depuis vendredi, il y a deux semaines, pour le message, on avait tous gagné. Je pense que t'as pas oublié que moi. Bon, je crois que t'as pas de me rappeler. Fin des nouveaux messages. En forme, hein, pour le répondeur. Ah ce bah soir. Ils sont en forme, effectivement, ouais. Alors, bah personne. Ah ouais, personne. Voilà, c'est roux, t'es roux. Non mais roux, t'es roux. Poil de carotte. Poil de carotte. Eh, putain, le vieux truc de bouffon. Oh. Ouais, mais ça faisait longtemps que je n'en ai plus entendu. Oh ouais, c'est vrai. Bah. C'est... Attends, parce que Sandro n'a pas encore dit un mot aujourd'hui. Je ne me rends compte, elle est en train de bouffer. Comme oui, d'habitude. Je mange ma salade. Parce qu'elle a faim, la pauvre. Sa salade, espèce de mytho, t'as un gros burger là, sous le. Non, j'ai pris une salade. Parce qu'en dessert, j'ai une mousse. Elle en a deux. Elle a deux mousses au chocolat. T'as fait des échanges. Quel intérêt de goinfrer de salade pour après bouffer un truc dégueulasse. Mais c'est ça tout l'intérêt justement, c'est pour se dire ouais mais je mange une salade. Donc je mange plein de chocolat derrière. Ah, elle m'a proposé il y a un petit panier de chocolat là devant toi aussi que Pablo ouais, a déposé. Ouais mais moi j'ai rien demandé. Hein. Si on m'offre, en plus ça se fait pas de refuser. Ouais c'est ça. Ouais. Elle va sauter dessus. Fais attention. En même temps on te les a pas offert, on les a déposés sur la table, c'est tout. Ah, oui mais c'est pour moi, on le sait très bien. Ouais, on va aller au McDo après l'émission. Ah c'est une blague. Non parce que en fait. Je commence mon régime demain. Oui. Ah oui, donc t'en profites quoi. Pour les et demain tu commence à... tous les jours. Demain les commence de à minuit. Hein. Demain commence à minuit. Ah oui. Ouais, au coucher, laisse-la se coucher. Ouais, je verrai. C'est ça. Ouais. Voilà, en fait, elle va faire un ramadan pendant 7 jours non-stop. Voilà, c'est ça qui pas va arriver. Sûr, on va voir sûr. Comment ça va se passer. Non, mais c'est Noël. Ça. C'est... Non, mais c'est ce que je fais quand je me dis bon, allez, c'est bon, là, je m'y mets vraiment. Ouais. Bon, allez, opération sapin de Noël aussi qu'on fait péter toute la semaine, toute la journée sur Énergie. 6, 11, 12, débutez votre message par. Noël. Elle mange. Bah, je la finis. Sinon, ça trempe dans la sauce et c'est pas bon. C'est ça. Bon, débutez votre message par Noël et puis vous laissez vos coordonnées, on vous rappelle, puisqu'il y a des télé 32 pouces à gagner, des disques durs multimédia notamment. Qu'est-ce qu'on file aussi? Âge de glace 3, le temps des dinosaures en DVD et en Blu-ray, des DVD de Cléopâtre, des street surfing également et les Blu-ray de Neuilly sa mère. Voilà, sympa. C'est à gagner toute la chambre, toute la soirée. Même on la quitte. Jusqu'à minuit. Et c'est bien de le gagner parce que je suis allé à la Fnac. Franchement, ils abusent. Ouais, les Blu-ray. Blu-ray, c'est 50 euros. Non, le DVD. J'ai vu le DVD à 29,99 €. Ah bah oui, mais ça a été tourné à Neuilly. Ah oui. Bah, il faut payer, rentabiliser. Hein. Voilà, faut payer Neuilly. Hein. C'est rush. Ah bah ouais, bon, DVD à 30 euros. Non, mais sinon, il faut fêter Noël en janvier. C'est là où il y a les soldes. Oui, ça serait pas bête. C'est vrai aussi. Bon, et on salue aussi ceux qui sont sur le fanbook et sur Twitter. Bah, venez encore. Hein, on est plus de 22 500. C'est gentil, c'est cool. Bah, vous allez sur mikael.fm, vous cliquez sur la communauté et vous venez vous inscrire à Twitter et au fanbook histoire d'être tenu au jus de toutes les dernières infos. Et puis un petit c'est qui ce soir. Ah ouais. Ah, alors écoutez bien le c'est qui de ce soir. Oh. On dirait une série AB. Ah mais t'es pas loin. Ah ouais. C'est Pablo qui a mis ça. Ah ouais, j'assure mon côté rebelle. C'est Pablo qui a mis ça dans la machine tout à l'heure. C'était insupportable quand il écoutait ça, quoi. Ça vous rappelle pas un truc le début? Si. Ça ressemble à François Céline Feldman. Dion. Ouais. Ah Céline François Dion. François ouais. Feldman. Mais comment tu connais François non. Feldman? Et maintenant que deviennent les valses deviennent. Ah Céline Dion. Non, je sais. Céline Dion, ah, moi, quoi, ça ressemble. Je sais pas. Ah, bah j'ai compris tous les mots. Tu m'aimes encore. M'attirer, me toucher. Ah. Pourquoi tu m'aimes encore? J'ai compris tous les mots. Ouais, voilà. Ça, ouais, vite fait. On a pris merci. Ouais, grave. Ouais, vite fait. Bon, je sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein, 612, débuté par Énergie avec la réponse et votre numéro de téléphone. Et bien sûr, on vous file les cadeaux. On donnera des indices tout à l'heure parce qu'à première vue, c'est quand même pas très facile. J'ai un indice très difficile. Vas-y. C'est. Ah non, je le donnerai après. Oui, enfin, il faut décider. Ah, parce qu'il faut que je le formule, en fait, j'ai parlé trop vite. D'accord, ok, bon. On fait ça dans un petit instant. Au niveau de l'Asie, qu'on se mettra un nouveau son rock US qu'on mettra tout à l'heure. On aura aussi Jay-Z Alicia Keys, on aura Cascada, on aura aussi le son de Diams avec Cœur de Bombe, et puis The Black Eyed Peas qui arrive dans un instant avec Meet Me Halfway. C'était le son des Black Eyed Peas à l'instant avec Meet Me Halfway sur Énergie. On parlera de Britney dans un petit instant là, qui a décidé de faire un classement des rumeurs les plus débiles sur elle. Voilà, donc en gros, tout ce qu'elle a vu, toutes les unes des journaux et les unes des sites internet par exemple, où on la défonçait, où on parlait d'elle en faux ou en vrai d'ailleurs. Hein. Donc on va en parler dans quelques instants. Voilà, et puis Sandro a terminé sa salade et ça c'est beau. Ouais, et j'ai pas fini ma mousse au chocolat, vous pouvez être fier. Ouais, mais ça c'est juste parce qu'il y a quelqu'un dans le studio qui a pété, ouais, ça t'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Voilà, c'est juste ça en fait, tout simplement. Donc, pas non plus te féliciter, puisque je te rappelle que tu vas à McDo juste après. Hein. Non. Pas pour l'instant, on verra après. Mais... Ouais, d'accord, ok. Ah. Qui c'est ? Bah, décroche. 21h22, ça peut être. Bah, ça peut être plein de monde, hein, techniquement, attends une seconde. Allô ? Allô. Ah, Huggy. Hey, salut les gars. Hey, bon, ça va, Huggy. Huggy, les faux tuyaux, donc, est un... Un bouffon. Non, c'est un ami à nous qui a un peu de mal avec les infos people, et donc il a tendance à un peu tout mélanger. Par exemple, il nous avait annoncé que Johnny Hallyday avait joué dans Massacre à l'intraveineuse. Bon, ceci dit, il n'était pas loin, effectivement. Ah, mais attendez, les gens, moi j'ai plein d'infos aujourd'hui. Ouais. Par exemple, il y a Pido Erti qui va jouer dans un film qui se passe au tribunal, sauf qu'en fait, on va pas le reconnaître parce qu'il sera déguisé en femme et il aura le rôle principal. Oula. Attends, oula. Qu'est-ce que tu racontes, Guy ? Ben, il y avait écrit héroïne. Oh. Oui, mais c'est parce qu'il a des problèmes avec l'héroïne, justement, la drogue. Ah bon, mais de quel film ? Mais d'aucun film ! Oh là là, putain, en fait, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, vraiment, c'est que Pete Doherty était au tribunal puisqu'il a été jugé pour conduite en état d'ivresse. Alors le problème, c'est que lorsqu'il est sorti, il s'est fait arrêter en possession de drogue et il avait de l'héroïne sur lui. En sortant du tribunal. À la sortie, ouais. En sortant du tribunal. Ah bah oui, tant qu'à faire, hein, sinon c'était pas drôle. Hein. Donc voilà, Guy, t'as compris, t'as capté. Ouais, j'ai compris, ouais. Mais attends, t'es sûr que t'as compris aussi... Bah ouais, pourquoi tu m'embêtes? Moi j'ai pas un film, j'ai autre chose. C'est quoi? En fait, selon une source, il y a une source proche de moi parce que moi j'ai des indices. Y a un ruisseau pas loin de toi? Non, pas du tout. En fait, il y a un acteur français qui se serait mis à éclater des voitures deux par deux garées dans un club échangiste. Oula, bon, t'as raison, c'est sur l'acteur français, ça. Ouais. Par contre, c'est pas deux par deux, c'est deux par Dieu. Alors l'acteur donc français, donc qui habite devant un club échangiste, aurait pété un plomb en rentrant chez lui, puisqu'il a vu un mec garé sur sa place de parking. Du coup, il a défoncé la bagnole du gars. Ah, mais il a dérouillé la caisse, quoi. Les pare-brises, les portes. Mais c'est si, si ça fait 15 fois que ça lui arrive, à un moment, je comprends que ce soit énervant. Voilà. Ouais. Après, de là à péter la voiture complètement. Non, mais à main nue, tu vois, tu vas chercher une batte de baseball. Non, mais c'est Depardieu. C'est Obélix, mec. Mais ah, c'est vrai. Je te rappelle, ouais. Donc voilà, ça aussi, c'était pas tout à fait vrai, quoi. Ah, Mickaël, en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu un truc de psycho-fou. J'ai vu que. J'ai vu que ta mère sucelait en. Non, Tomer sucelait. Fais attention, Huggy, je t'ai dit, vérifie tes infos, c'est Tomer Sisley qui... Ouais, il a agressé un flic au rayon laser, trop fou, mais mec. Non, oh là là, Tomer Sisley était en train de jouer avec des potes dans un parking, il faisait un espèce de laser quest, sauf que les flics sont arrivés en pensant qu'il y avait de la vraie embrouille, et le problème c'est qu'un des potes de Tomer aurait visé le flic, du coup le flic a tiré, bon heureusement il n'y a pas eu de blessé. Ouais, c'est ça. Donc t'es à côté, quoi. Ouais, mais il est toujours déçu. Bah oui, mais bon, j'ai pas rien, moi. J'en peux rien, moi. Bon, c'est les mecs, faut que je vous laisse, là. Il y a la mousse au chocolat de Pape Diouf qui est sortie du coma. Ciao, les gars. Ouais, bon, salut, Guy. Nous aussi, on passe un bon... On souhaite un bon rétablissement à Mousse Diouf, qui lui, effectivement, est sorti du coma. Oh là là là là là là là là là là là. Bon, bah, tant pis, hein. Qu'est-ce qu'on peut rien faire, hein. Ah non, lui, il est fini, Guy. On peut rien faire. Et joyeux Noël, Guy, hein. Bah, il est parti. Ouais, il est déjà parti, mais enfin. Il avait la mousse, hein, il avait la mousse. Ouais, c'est vrai qu'il avait la mousse, Diouf, bien sûr. Enfin bon. Ah putain, ça y est. Ah, t'avais pas compris encore. Moi non plus, hein. Ah bon? Ah ouais, moi j'avais compris depuis le début, hein. Je croyais que vous rigoliez pas parce que. Inquiète-toi peut-être alors, si tu comprends les vannes de Guy. Non, mais tu sais, en même temps, je te dis que j'arrive à comprendre quand Toff dit des trucs improbables, hein, donc. C'est vrai aussi. C'est vrai. L'un dans l'autre, ou même quand t'as les auditeurs qui parlent, qui s'expriment mal. J'arrive à comprendre. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a des trucs comme ça, ça marche. Mais bon, après, c'est pas de quoi. Je dis pas que j'en suis fier. Hein. Loin non, de là. Non, c'est un talent. Ne vous inquiétez. Ah, mais t'as un décodeur, c'est vrai, c'est ouf. J'ai pas compris la vanne. Non, s'il n'y a pas de vanne. Mais qu'est-ce que c'est? Un décodeur? Attends, attends, mais si, on va s'arrêter sur cette vanne deux secondes. Non, non, c'est un décodeur. Non, mais c'est ouf. Ah, c'est un décodeur. Voilà. D'accord. Mais on trouve des vannes là où il n'y en a pas, en fait. Arrêtez-moi si je me trompe. Oui. Mais sur ma droite, ne serait-ce pas un jeune homme qui a le même pull qu'hier? Oui, bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le seul, moi aussi. Ouais. Pas... Ah bah, et qui aura le même demain? Le même pantalon qu'hier, tiens. Oh. Je vois pas le problème. Bah, enfin, un roux. Alors, ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, les mecs, ils étaient toujours habillés pareil, enfin, toujours habillés différemment chaque jour. Ouais. Moi, je m'habillais trois jours de la même façon, je voyais pas où était le problème. Ouais, le pull en tout cas, ouais, et le jeans, pareil, tu peux le mettre deux, trois jours d'affilée. Ouais, je vois pas. Non, je suis le seul. Non, bah non. Je sais pas, moi je te soutiens plus là, je vois. Enfin, je vois. Mais tu mets pas de pull toi déjà? Non, oui, c'est rare, oui. Mais... Les t-shirts, c'est normal que tu les changes? Ah oui, bah tous les jours, hein, tu penses. Ah oui, attention. Alors que le roux, parfois, met deux fois le même t-shirt. Mais oui, mais c'est pas ça. Oui, oui, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les journalistes. C'est-à-dire que, tu sais, Pernod, Ferrari, tout ça, tous les jours, ils ont des fringues différentes. Alors, pour les meufs, ça va. C'est gratuit. Ouais, mais les mecs, t'imagines le nombre de costumes qu'ils doivent avoir à TF1? Je crois que c'est prêté, non? C'est des habilleurs. Bon. Je sais pas comment on dit, des stylistes, quoi. Non, des costumistes. Des costumistes. Costumiers. Des costumiers. En même temps, l'ancien PDG de TF1, c'est Xavier Couture. C'est vrai aussi, effectivement. Bon, je vous en parlais tout à l'heure, là. Britney Spears a publié sur son Twitter ou sur son site internet les rumeurs les plus débiles qui ont pu sortir sur elle cette année. Alors, j'en ai relevé quelques-unes. Alors, un Courtney Love qui annonce que le père de Britney la moleste. Ah, c'est la meuf de Kurt Cobain. En même temps, quand tu vois la meuf que c'est. Elle a perdu la garde de sa fille d'ailleurs, ouais, encore une fois. Parce qu'elle l'a frappée. Je sais plus, mais elle a 17 piges, sa fille. Courtney est sortie de désintox encore, elle a 40 piges. Donc elle a commandité le meurtre de sa fille. Ouais, bon, on n'est pas à l'abri. Hein. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à Courtney Love, des histoires du père de Britney? Je sais pas. Mais non, mais c'est pas vrai. Elle est complètement allumée, cette nana aussi en même temps. Britney ou Courtney Love? Courtney Love, un peu plus quand même. En deux, Britney, elle se fait suivre. Elle fait suivre, En deux, le père de Britney et son manager ont dressé une liste de noms des mecs avec qui elle devrait sortir. Ouais, ça, je l'avais vu, ça. Voilà. Genre quoi, ils voient dans l'avenir ou avec qui elle devrait faire? Avec qui ils aimeraient qu'elle se case. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Il y avait qui dans la liste, t'as pas vu? Ça, je sais pas, non. En trois, Britney a réclamé une barre de striptease dans sa chambre d'hôtel en Irlande. Un petit clip perso, quoi. Non, mais s'il a prévu de coucher avec un mec. Ouais, c'est ça. On va pas se plaindre, hein. Elle ramène ses fans et puis leur fin de tour. C'est Britney qui a fait le classement, donc ça se trouve, elle fait semblant de démentir des trucs qui sont très vrais. Ça c'est vrai. En 4, Britney fait passer un faux casting pour trouver un mec. Oh, ce serait grave ça. Ça j'avais entendu aussi. Non, mais c'est surtout qu'encore, il y a un an, elle en aurait eu besoin, mais avant, et je crois aujourd'hui, ça va, elle est devenue bien de nouveau aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'elle a fait la tournée et tout, donc elle a fait pas mal de sport, mais ça peut l'un dans l'autre, puisqu'elle a fait un casting pour les danseurs. Ouais. Donc ça n'empêche pas de pouvoir recruter, surtout qu'il paraît qu'elle a eu une liaison avec un de ses danseurs, que ça s'est mal passé parce que la meuf du danseur, elle s'en est mêlée, elle a dit bon, maintenant faut que tu laisses tranquille. La mère du danseur, elle voulait pas de Britney dans la famille parce qu'elle sait qu'elle est un peu tarée. Donc, c'est vraiment des ouf. C'est la famille, pour quoi. Son mec, c'est possible. C'est plausible, ouais. Bon, en 5, Britney veut devenir moine baptiste. Oui, non, pas une seule seconde, ou alors voilà. Elle était bien torchée ce jour-là. Britney, en 6, Britney organise des After X à Londres. Bon, ça, il faut nous prévenir, parce que c'est pas très loin, à Paris. Ouais, on y va. On peut y arriver facilement. Je paye pour y aller, moi. Alors, Britney va enregistrer un album posthume avec Jackson, Michael, bien sûr. Ouais. Avec ou pour? Avec. Avec. Avec, donc, un album posthume avec lui. Non, mais quand est-ce que ça a été dit, ça? Ça aurait pu être dit en avril de l'année dernière, tu vois, il est encore vivant. Là. Ah ouais, oui, alors là, c'est très très fort. Ouais. Bah oui, c'est vrai, je suis con. Bah oui, non, j'avais pas vu que c'était posthume, en fait, c'est vrai. En 8, Britney Spears a acheté un caisson hyper bar. Putain, ça c'est fort. Quelle c'est quoi hyper bar? C'est, tu sais, c'est super drôle. C'est pour les trucs d'oxygénisation. C'est-à-dire que les plongeurs, par exemple, quand ils plongent longtemps super profond, après ils doivent aller dans un caisson hyper bar en fait. Pour décompresser. Ah oui, voilà. D'accord. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais donc aucun intérêt quoi. J'aurais bien vu Sandro dire ah oh, putain, c'était hyper bar. Tu me connais très mal parce que ça, je vais le ressortir avec la mauvaise définition. Eh ben c'est parfait. Je le connais. D'ailleurs, le caisson, donc il faut préciser que c'est celui de Jackson qui l'a récupéré. Ouais, ouais, bah, c'est vrai. en œuvre, donc la parution de la biographie de Britney fait monter en flèche les ventes de viande d'écureuil. Ah oui, alors pourquoi? Parce que dans la biographie, ils disent que la famille Britney Spears mange de la viande d'écureuil et qu'ils adorent ça. En fait, c'est impossible, ce truc. Alors, non, mais ce qui est ouf, c'est quand même les journaux People qui se disent. Ils font le titre et tout, puis ils doivent le soumettre à un rédacteur en chef. Bon, si on dit que la biographie de Britney fait monter en flèche les ventes de viande d'écureuil. Ouais, c'est top. Ouais, c'est bon, prends ça. Mais moi, je me demande. Tu mets une photo d'elle à l'appui, c'est bon. Ah, ouais, oui, tu mets une Britney Spears à côté d'un écureuil, c'est bon. C'est bon. Elle va à la caisse d'épargne, c'est possible. Bien sûr, hein, tu mets une photo. C'est pareil, hein, tu mets une photo de Britney Spears en disant avec Toff, Toff fait mouiller Britney Spears, toutes les meufs vont mouiller pour. Alors qu'il a juste été à la même piscine. Alors, voilà, exactement. Et c'est ça, moi je me demande si les mecs ils font pas des concours de vannes dans les titres. Ah, je pense. Si, je crois qu'ils doivent se marrer. Hein. Et en 10, Britney rêve d'ouvrir un magasin de perles à Venise. De perles à Venise? Voilà. Voilà. Ah oui. Ça. C'est... Ouais, ça c'est plausible ça. C'est une perle, ouais. Oui, enfin c'est plausible. Ouais. Pourquoi ouais, à Venise? Autre chose à foutre quoi. Ouais, ça aussi effectivement. Ouais. C'est autre chose à foutre effectivement. À Venise ou à Venice? Ah bah alors je sais pas si c'est Venice en Floride, à Los Angeles ou alors à Venise en Italie, non, ouais, je sais pas trop. Venise de Los Angeles, je crois. C'est possible, ouais, mais alors là, c'est encore moins l'intérêt. Hein. Venice Beach, ouais. Ouais, ou Venice. Ah, c'est ça. Je sais pas. Bon, enfin bref. Bon voilà, donc c'était les. C'est ce qu'elle a mis sur son blog, hein. Enfin, sur son Twitter ou sur son site, je sais plus. Son site officiel. Mais en tout cas, elle c'est marrant parce qu'elle a pas démenti la prise de drogue à 15 ans et la perte de virginité à 14 ans. Ça, elle a pas démenti. Ah non, ça, elle a oublié de démentir, effectivement. Ouais, c'est donc vrai. C'est vrai. Bon, allez, on revient dans un petit instant. Il y aura Jay-Z Alicia Keys tout à l'heure avec Empire State of Mind. Et puis un petit coup de c'est qui, là, le morceau qu'on cherche depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission. Écoutez ça. Quand on a dit ce roule, là. C'est un. Il est pourri son indice. Ah, c'est dur, c'est un pur joyau. Ah, c'est je me fais. Bon. La vie. On dirait Linda Lemay. Ouais. Bon, juste après la pause, on vous donne un indice parce que c'est pas très très simple au final. On vous donnera un bel indice et après il faudra trouver la bonne réponse. Un bel indice que j'aime bien. On fait ça, non. On fait ça dans un instant, ne bougez pas de là. Les Mayas avaient prédit les plus grosses catastrophes pour 2012. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que Mickaël et toute son équipe feraient de la radio tous les soirs de 21h à minuit sur Énergie. 2010, préparez-vous. Les problèmes vont commencer bien plus tôt que prévu. Oui. Sandro, j'avais dit ok pour l'iPhone, mais pas pendant qu'on est à l'antenne. Je suis pas sur l'iPhone, hein, je suis ah bah non. Et alors elle ment. Tu veux qu'elle dire mais je suis pas à l'antenne. Ouais. Mais je suis pas à l'antenne ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire là, dis donc. Bon, on va se faire le dans un instant le jeu des objets. Exactement. Des il y a l'euro qui avait une info Facebook apparemment. Mais non, mais vous avez pas vu ce qui s'est passé avec Twitter? Non, c'est bah, Twitter. Explique, on va te dire ouais, si on a vu. En fait, il y avait la Valérie Pécresse, la ministre qui est au gouvernement. Ouais. Qui la ministre et qui est au gouvernement. C'est l'enseignement oui. supérieur, je crois. Ouais, bah, enfin, de toute façon, il servait à rien. Et donc, elle était au conseil régional de Paris, je crois. Enfin, elle était dans l'assemblée, puisque c'est une assemblée. Mmh. Et elle s'est endormie. Mmh. Manque de peau pour elle. Il y a une autre femme politique. L'adjointe du maire. Voilà, de Anne Hidalgo. Qui est au PS, qui l'a pris en photo, qui l'a mis sur Twitter. Et qui a dit que la meuf, elle s'en battait les couilles, qu'elle dormait et tout. Et l'autre, elle a fallu qu'elle réponde, c'est faux. Elle utilise même des images truquées. Genre la meuf elle va sur Photoshop en rentrant du conseil régional pour changer le truc quoi. N'importe quoi. Et donc elles sont en train de s'embrouiller par médias interposés, enfin par Twitter. Par Twitter interposé. Ouais. Pour dire c'est non, mais c'est pas vrai. Politique à la pointe de la technologie. Bah, c'est bien la preuve que elles deux en ont rien à branler. Grave. Puisqu'elles n'ont que ça à foutre. Et l'autre a répondu très bien, Pécresse, elle a dit bah oui, mais en même temps j'ai pas de leçon à recevoir, elle s'endort sur ses idées. C'est facile. Bon allez, on va jouer maintenant au jeu des amis avec Maxime qui est la 19 ans de Dax. Salut Maxime. Salut Mickaël, salut toute l'équipe, ça va? Salut. Ça va et salut. Toi? Ouais, ça va, un peu les vacances là, ça va. Ah bah profite bien hein. Ouais, moi je suis plus en vacances déjà, ça y est. Bah c'est beau. Bah c'est clair, c'est beau hein, c'est beau, c'est très très beau même. T'as prévu un truc pour les vacances? Bah il est plus en vacances, T'as fait quoi pour les vacances? J'avais 4 jours, mais je suis redescendu chez moi et voilà, c'est tout. T'es où chez toi? Bah en fait là je suis sur Bordeaux et j'habite à Dax donc. Oh ouais, donc t'es pas allé bien loin. Non, bon, oh, c'est bon, déjà ouais, ça, tu bouges un peu, voilà, c'est sympa. Ouais, voilà, voilà. C'est Sandro aussi pour les vacances, elle va remonter chez elle. Hein. Je vais mettre une tente dans le jardin et voilà. Puis j'aurai l'impression d'être en vacances. Ah, la chance. C'est ça. Mmh. Non, elle va repasser, elle change de département, attention. Hein. Elle va dans le 9-3. 9-2, 9-3. Ah, wow. C'est un certain voyage. Ouais. Surtout en smart, c'est quand même de la route. Mais tu risques en plus de croiser les douaniers hein, par là. C'est des chances. Hein. Ah, ouais, c'est clair. Elle prend le passeport, on sait jamais. Hein. On sait jamais, t'es dans l'impression. Demande qu'ils mettent ta cachette. Ouais, je reviens de vacances. Ouais, Saint-Denis. T'es où, Saint-Denis? C'était cool. Bon, de la Réunion? Ah, bah non. Ça dépayse. Pour rentrer dans Saint-Denis, ça va être difficile. Ouais, ça c'est vrai aussi, ouais, c'est vrai. Pour sortir, ouais, ils s'en foutent. Bon, Maxime? Oui, oui. Ah, voilà. On va jouer au jeu des amis, donc on va appeler qui? Jordan, Mickaël ou Alexis? N'importe, comme vous voulez. Ah, je sais pas, choisis, hein. C'est Jordan. C'est Mickaël, allez. C'est Mickaël. Bah, très bien, on va appeler Mickaël. Allez, hop, c'est parti. On va appeler Mickaël, Jordan. Non. Non, ça, non. Pourquoi pas? J'aurais pu faire. Allô, Jordan, c'est Mickaël. Ouais, mais non, ça marche pas. Allez, c'est Mickaël, Jordan. Ouais, ça marche. Allez-y, faites une vanne mieux que celle-là. Allez-y. Ouais, bah, c'est pas gagné. Hein. Allô, Mickaël. Oui. Salut Mickaël, c'est Mickaël aussi. T'es en direct à la radio sur Énergie. Je t'appelle avec Maxime, ton pote qui est dans le standard. Tu connais Maxime? Oui. Oui, très bien. Bon, je t'appelle pour le jeu des amis. J'ai 10 questions à te poser à son sujet. Si tu réponds bien à 6 sur 10 minimum, ce sera gagné pour vous deux. D'accord? Ok, d'accord. Et ça va bien se passer, hein? Enfin, en tout cas, j'espère. Pour vous, surtout. Hein. Bon, ouais. Parfait. Bon, on va y aller. Attention. Nous jouons pour une semaine de vacances dans ce merveilleux département, le Jura, cette belle région. Vous connaissez? Non, pas du tout, Tex. Allez, 10 questions, 6 bonnes réponses minimum et ce sera gagné. Il faut répondre du tac au tac. Et si tu ne sais pas, tu peux passer. Ce sera à ce moment-là considéré comme une mauvaise réponse. D'accord? Ok, d'accord. Allez, on y va. Attention, première question. C'est bien une seconde. Top. Quel est son dessert préféré? Muffin au chocolat, non? Muffin au chocolat, ouais, bonne réponse. Quel est son plat favori? C'est ce qu'elle a répondu. Il. Allez. Top, trop tard. Oh. Gratin dauphinois. Quel est son style de musique préféré? La dance. Dis au hasard, quand tu sais pas, il faut répondre du tac au tac. Putain, ça existe encore. Bah oui, c'est le tac au tac, non? Question encore. Quel est le dernier cadeau qu'on lui a offert? Un album? Une compile, allez, c'est bon. Ah, ça marche. Vas-y, oui, compile de dance. Wow. Ouais, waouh. À quel âge a-t-il eu sa première relation sexuelle? À 17 ans. Ouais, 17 ans, bonne réponse. Réponds plus vite. A-t-il déjà eu une relation sexuelle à plusieurs? Oui, à 3. Oui, effectivement, bonne réponse. Non, mais à 3, ouais. Bon. Combien? La ville? Non, ouais, voilà. Combien de fois par semaine se masturbe-t-il? Je sais pas, une fois. Oui, une fois, bonne réponse. D'accord, bah c'est bien. Quel est le lieu le plus insolite où il fait l'amour? Dans les toilettes. Dans les toilettes, effectivement. Ah, c'est crado. Je sens quelques petites erreurs faites exprès au début, mais je ne vais pas m'avancer, je ne suis pas sûr. Qui est la personne qui déteste le plus? On hésite. Ouais. Sarkozy. Combien d'animaux est-ce qu'il possède? Et si plus de zéro, quels sont les animaux? Un lapin. Un lapin, oui, bonne réponse. Il s'appelle comment? C'est... Je sais pas. Comment il s'appelle, le lapin? Ah, je sais pas comment il s'appelle. Ah, je sais, mais... Je crois pas, hein. Il s'appelle comment, Maxime? Chounette. Chounette. C'est mignon. Bah, franchement, pour l'appeler Chounette, lui, il m'a le bouffé. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est pas mon lapin, c'est lapin à ma soeur. Ah, c'est lapin à ta soeur. D'accord. Oh, okay. J'ai mal à Chounette. Ouais. Ça fait pas très lapin. C'est vrai. Bon, écoute, c'est pas grave. Hein. Bon, allez, Maxime et Mickaël, vous avez gagné. On vous renvoie chez Micha au standard. Et puis, il va prendre vos coordonnées et vous envoyer votre cadeau très vite, d'accord? Salut à vous, à bientôt. Ciao, bye bye. Bon, et puis, retour, bien évidemment, du jeu des amis demain à partir de 21h. Au paquet de rêves, les gars, tout au bien. Voilà, c'est du portugais. Voilà, et puis, petit coup de séqui encore. Ah. Allez, avec l'indice du rouge, tu n'as pas donné ton indice? Si. Ah, c'est celui tout à l'heure, là? C'est ça, ton gros indice? Ouais. C'est un putain. Ouais. Mais celui de Sandro est beaucoup mieux. Vas-y, Sandro. Ah bah, je m'en rappelle plus. C'est ça le problème. Le putain. Mon indice, Allez, attends, parce que tout à l'heure, elle a donné un indice. En fait, elle a donné les trois indices dans la même phrase. Vas-y, rouge, je t'en prie. Il y en a des plus belles qu'elle. Ah oui. Bah si, ah, c'est un indice. Il y en a des plus belles qu'elle et c'est un vrai joyau. Très bien. Va, facile, bon, si vous avez une idée de qui chante cette, ce drame là aussi, hein, 612 débuté par Énergie, vous laissez votre numéro de téléphone. Très belle, hein. Certes. Vous laissez votre numéro de téléphone avec la réponse et puis on vous rappelle bien évidemment avant la fin de l'émission pour vous filer les cadeaux. Voilà. Je crois que la plus belle c'est sa fille. Plus belle sa fille. Ouh. Ah oui, plus belle sa fille, ouais. Juste voilà. Ouais. Non, c'est pas ça ? Je comprends pas. Non, elle est plus belle la fille. Non, je comprends pas. On peut passer à autre chose. Allez, on va écouter Jizzy Alicia Keys dans un instant avec Empire State of Mind. Et puis on reviendra bien évidemment juste après. On aura toujours le top donc des mots-clés les plus tapés sur Google en fonction de votre âge. Enfin, en fonction de l'âge, justement. Donc vous allez voir que les jeunes ont des. Recherchent des choses un peu spé, on va dire. Hein. Allez, oui. On revient dans un instant. Restez là. Bouge pas, bouge pas. Sandro part terminer son brownie chocolat banane. Et Michael revient juste après ça. Et voilà le son de Alicia Keys à l'instant avec Jay-Z, c'était Empire State of Mind. Et puis comme tous les soirs, on est là entre 21h et minuit. On vous parlait tout à l'heure là de l'échange de cadeaux. Comme le roux doit m'offrir mon cadeau, c'est dans deux jours, hein, puisque ce sera le 24 décembre. Oui. Bah, il y a de fortes chances que je le revende. Hein. Ben non, non, c'est pas revendable. Si. Alors si t'arrives à revendre ça, bravo. Alors, si, alors imaginons que j'arrive à vendre le truc que tu vas m'offrir, je leur vends 10 euros. Je sais pas. Tu vendras pas ce prix-là, non ? Imagine que je le vends 10 euros, on peut pas savoir. Ah, tu veux faire un pari, là ? Est-ce que tu me payes 10 euros de plus si j'y arrive ? Non. Non. Sale con, ouais. Mais non, mais attends. Déjà, je te fais un cadeau. C'est-à-dire que t'as même pas eu le cadeau en main, tu veux déjà le revendre. Mais je sais pas, mais attends, t'es en train de me teaser comme un con là, ça va être de la merde, que c'est non, pourri. Non, c'est pas pourri, du tout. C'est pourri. Si tu l'utilises, c'est pas pourri du tout. Au franchement, contraire. Ouais, franchement, tu devrais l'utiliser. Et pour ouais. te dire il te mieux. Rend, il te rend service là. J'ai deux cadeaux. Waouh! Eh ben putain. Waouh! Ah ben, on va voir. Hein. Bon, sinon, pour le c'est qui, il y a Maxime qui proposait Valérie Beck qui chante. Ah non. Non, elle est beaucoup moins bonne. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, elle est mieux que Valérie Beg. Hein. Non, Valérie est belle aussi, mais non. Les deux, elles sont jolies. Il a dit bonne. Ah. Bonne, elle est plus bonne que le roux est à cheval, hein. Attention. Bon, c'est Laetitia Milou de Plus Belle la Vie qui chante. Non, c'est pas ça, mais on s'approche. Céline Dion, c'est Anne-Lise. Bah non. On a dit Anne-Lise que c'était pas Céline Dion que ça ressemblait. Proposé Evangeline, Nolwenn Leroy non plus. Je cherche, ça continue du film. Donc 6-11-12, débuté par Énergie avec la réponse et votre numéro de téléphone. Oh, c'est horrible. Et on ne connaît pas sa voix. Hein. Non, bah tant mieux. Hein. Ouais, tant mieux. Ouais. Sauf qu'il y a un clip. Elle donc est dans le clip. Ah, un oui, clip, bah alors, c'est que c'est clip. Elle. Un clip qui doit durer, je sais pas, 4 minutes, le temps d'un morceau. Mais la musique ne commence qu'à partir d'une minute 30, une minute 40. Ah bah tu me diras bien qu'il aura bien fallu couper le début, tiens. Ah, il y a eu du travail sur le clip, ils ont fait un scénario. Ouais, et Laure qui est là maintenant, 23 ans du 76. Salut Laure. Salut tout le monde. Comment salut. Ça va? Salut. Ça va. Bon, bienvenue à toi alors. Tu voulais donc réagir par rapport aux cadeaux de Noël. Alors, est-ce que t'as déjà reçu des cadeaux bien pourris au point de vouloir les échanger, les revendre, tout ça quoi? Bah, pas du tout. Franchement, ça m'arrive jamais. D'accord. Parce que nous, on a une petite solution dans la famille, c'est que on se demande tous les cadeaux qu'on veut. Mmh. Donc moi j'ai ah d'accord genre ah, c'est genre tu dis voilà bah maman oui, tu peux me filer tu peux me filer un bouquin, tu peux me filer ci, tu peux me filer ça, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on a besoin. D'accord, donc jamais t'as reçu, mais avant d'instaurer cette règle, parce que vous l'avez instaurée, c'est qu'il y a un moment, il y a des gens qui offraient des cadeaux qui servent à rien et du coup vous vous êtes dit bon bah on va arrêter avec ces conneries, chacun va demander ce qu'il veut et c'est plus facile. Ouais, mais depuis que je suis née, c'est comme ça. Donc, ah d'accord, mais je trouve ça vraiment tout pourri quoi. Faire une liste et que la personne elle t'achète ce que t'as écrit. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. Qu'à la limite, tu peux faire une liste en disant voilà, moi j'aimerais bien ça, ça, ça. Tu sais, t'en fais plusieurs. Il y a des trucs sur la surprise. J'aimerais bien avoir, mais ça te fait chier de les acheter toi-même. C'est comme les pions, on leur dit écoutez, il faut faire une liste au Père Noël, ils la font. Oui, non, mais t'es gentil, c'est pour le Père Noël. Ouais, non, mais elle vient te. Mais ça n'a rien à voir. C'est le rêve, c'est la féerie. C'est des choses qu'ils veulent. Donc, mais d'accord. Faut leur acheter. Mais ça, c'est la féerie de Noël. Tu vois, s'il ouais. fait une lettre au Père Noël. Là aussi, c'est la féerie de Noël. Tu fais mais une, non. Tu fais une lettre à ta mère. Bah non, c'est pas drôle. Mais non, on fait une liste globale. Et après, les personnes, ils choisissent ce qu'ils veulent. Ouais, mais ça fait faux du coup quand tu ouvres le cadeau de faire. Ouais, je savais pas. Ouais, mais les surprises, c'est ce que tu fais à l'année normalement. à tes proches. Ouais. Bah non. T'es pas obligé justement. D'attendre Noël pour faire des surprises. Hein. Exactement. Bon, bah, alors là. Moi, je préfère aussi faire une liste pour Noël pour être sûr de pas être déçu. Bah, fais une liste pour l'année. Mais je fais ça que si je suis sûr que dans l'année, j'ai quand même des petites surprises une fois de temps en temps. Donc, tu fais un cadeau pour en recevoir un autre. Vas-y, oui. Bah non, c'est quoi j'ai pas je vois pas le rapport. C'est quoi le rapport hein, bah, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu dis tu fais un cadeau si t'es sûr de recevoir des trucs de temps en temps. Non, une liste. Absolument pas dit ça. Si ah, bon, j'ai compris ça, autant pour moi. Elle a dit qu'elle faisait une liste pour avoir le vrai cadeau à Noël, le truc qu'elle veut, si jamais elle a des surprises le reste du temps. Mais si j'ai jamais de surprise, si mon mec il me fait jamais de surprise le reste du temps à l'année, rien à foutre. Je préfère demander. Non, bah vas-y, finis ça. Vaut mieux avoir un truc qui nous plaît qu'un truc qu'on va revendre, quoi. Ça sert à rien. Bah, ça dépend, parce que si tu reçois un truc au final et qu'après tu peux le revendre pour avoir de l'oseille et t'acheter un truc qui fait kiffer, pourquoi pas. Ouais, mais vaut mieux l'avoir tout de suite, parce que ça se trouve, tu vas le revendre, mais beaucoup bien moins sûr. Cher. Et en fait, t'auras perdu du pognon, quoi. Ouais, ouais, non, mais évidemment, oui, on est d'accord. Attends, parce qu'il y a aussi Nicolas qui est là. Salut Nicolas du 84. Salut Nico. Oui, bonsoir à tous. Comment ça va? Salut Nico. Bah, salut. Bon. Ça va, merci. Bienvenue à toi. Je peux toi, dire Nico. Salut à Toff aussi. Bonsoir, Toff. Bonsoir. Pourquoi oh, bah il est là. Non, parce qu'on était en train de faire le calcul pour rigoler. Je crois que ça fait 20 minutes qu'on l'a pas entendu. Ça fait plus, hein. Bah, c'est possible, ouais. Bon, Nico, alors toi, t'as déjà eu des échanges de cadeaux, tout ça? Comment ça s'est passé? Dans 20 minutes. Bah, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que les cadeaux, on a une grande famille. Donc, on se réunit souvent, on fait beaucoup de cadeaux dans la famille. Oui. Et des cadeaux qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins. Ouais. Donc, ceux qui me plaisent, je les garde. Et j'ai pris pour habitude depuis quelques années maintenant. Que, bah, de revendre sur eBay les cadeaux qui me plaisent pas en fait. Ah, donc c'est cash quoi. C'est, ouais. Ouais, mais oui, mais t'as raison. Hein. C'est quoi le dernier cadeau que t'as revendu? C'était un vélo. Ah, ouais. Un vélo. Mais ah, quel oui. Style de vélo? Parce que après t'as des vélos sympas et puis t'as des caissons pour des vélos pareils. Ouais, c'était un peu le cadeau empoisonné quoi. C'était pour me refaire faire du sport et bon. Mais ça coûte cher un vélo. C'est un vélo d'appartement ou un vrai vélo? Non, un vrai vélo, un vélo tout chemin, un vélo. Voilà. Tout terrain quoi, un VTT. Ouais. Eh mais si tu fais jamais de vélo. Ouais, mais attends, et c'est qui, la personne qui te l'a offert, elle dit jamais bon alors le vélo ça va? Non parce que je suis direct avec eux, ils le savent. Ah ouais, ils savent comment je réagis, voilà bon. Ah, tu m'as offert un super vélo l'année dernière, hein, tu sais où il est? Ah ben je l'ai vendu. Mais voilà, c'est ça. Au fait, tu peux me prêter le vélo là que je t'avais offert parce que tu sais je voudrais faire un petit tour avec ma copine ailleurs réparation. Non mais tu sais bon il y a l'entretien. Quand t'offres un truc je sais pas un pull, un truc comme ça, voilà, tu que la personne le revend ou l'échange, c'est pas très grave, mais quand il s'est pété la tête, aller te chercher un cadeau, un gros cadeau comme un vélo, ouais, surtout ouais, un vélo, faut le transporter et tout, machin. Ouais, tu peux être vexé, quoi. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Sinon, il y a la technique du cadeau unique aussi, c'est-à-dire t'offres un cadeau, mais en fait, tu repars avec. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que peut-être tu l'offres, le mec il le déballe, machin, mais tu sais, comme il reçoit plein de cadeaux, bah, moi je fais ça généralement avec des meufs, hein. C'est, donc, tu sais, elle ouvre tous ses cadeaux, machin, elle est contente, elle les pose, et donc, avant de repartir, tu récupères ton cadeau et tu peux l'offrir à une autre meuf. Tu fais juste de le réemballer. Ah, voilà. T'es un voleur, donc ça va te fusiller. C'est encore plus malin. Et le pire, c'est que la personne à qui... Franchement, si c'est pour dire ça, retourne sur son ordi, hein. Le reviens dans 20 minutes. C'est que, hein. c'est que la personne à qui tu l'as récupéré n'osera jamais te dire qu'elle l'a perdu. Ouais, et qu'elle sait pas où il est. Putain, c'est pas con, ça. Sinon, il a percuté le rouillé. Il va économiser 5 centimes par an, là. L'autre truc malin, c'est t'offres, genre, une bouteille ou un truc que tu vas bouffer le soir. Ouais, avec eux, ouais. Un palette de chocolat. C'est vrai, t'arrives, le mec, bah, forcément, il. C'est toi qui vas faire la bouteille, il va te servir le premier verre. Ouais. Tu vas cuver, prends un deuxième. On va aller. Ah, pas mauvais ce truc. Hein. Et au final, bah, t'auras bu deux verres ou trois verres sur les cinq ou six. Finalement, c'est pas mal, c'est vrai que t'as. C'est un investissement, rentable. C'est un petit investissement sympathique. Tant qu'à faire, je pense que c'est mieux de réoffrir un cadeau qu'on t'a offert. C'est mieux que de le revendre quand même. Ouais, mais c'est chaud parce que. Ouais, mais du coup, tu vas le garder. Personne. Non, mais attends, imagine que tu reçois un vieux bouquin dégueulasse, tu vas l'offrir à qui? Déjà, tu le lis. Ça ne coûte rien. Ah si, ça coûte du temps. Hein. Et après, tu l'offres à des vieux, tu sais, genre grand-père. Moi, j'ai fait un truc pas très bien là pour Noël. À ma mère, je lui ai offert une saison de Doctor House. Ouais, elle va pas aimer, elle va te le donner. Quoi. Je l'ai déballé, j'ai regardé. Ouais, t'as raison. T'as raison. Oui, alors, peu importe, franchement. Faut que ça plaise, moi, quand j'offre un cadeau. Ah bon? Ah ouais, j'aime c'est pas quand ça plaît. C'est le principe du cadeau. Donc ça te plaise à toi? Non, à la personne à qui je l'offre. Ah bah t'as de la chance, Rousse, c'est elle qui t'offre le cadeau. Ah ouais, moi il faut que ça plaise, sinon ça, j'aime pas trop. Non mais ça va, elle se démerde bien pour les cadeaux, ouais. Je sais très bien que je vais avoir un bon cadeau. Mais moi je me prends vraiment la tête pour le coup. Hein. Grave. Et je suis une relou, un truc. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, il y a une vidéo d'un qui m'a été envoyée. Allez hop, oh, il est beau celui-là. Une auditrice, un auditeur, je me rappelle plus de son nom, mais c'est pour le buzz du net, donc donc elle m'a envoyé une vidéo d'un gamin en fait qui reçoit des images Pokémon qu'il devait pas avoir dans sa collection. Ouais. Il tape une crise tellement il est content, mais c'est à mourir de rire. On dirait un psychopathe le gamin. Il y a le son. Il y a... Ouais, mais c'est visuel plus. Hein. Ah, parce qu'il a une tête avec et c'est énorme, quoi. Bon, bah très bien. Attends, il y a Micha qui m'a envoyé un message. Qu'est-ce que c'est que ça, Micha? Micha? Oui, bah c'est un message d'un auditeur, d'une oui, bah, j'ai bien vu, oui. Et pour Toff, qu'est-ce qu'il y a? Je propose à Toff un plan cul avec moi, je suce et j'accepte la sodomie. Ouais. Je fais 95C, 90C et je porte du 38, je mesure 1m76. Je t'aime, Toff, signé Julien. C'est rare. Julie. Faisons le test, qu'on ça fait longtemps d'ailleurs. Il y a un numéro de téléphone? Pas de numéro de téléphone. Vas-y, réponds du tac au tac sur le mail. Dis-lui, laisse-nous ton numéro. Mais c'est SMS. Laissez vos numéros de téléphone, les mythos. Tout le monde va le faire maintenant. Oui, je te confirme. Ouais. Bon, bah, Nico et Laure, merci à vous deux d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Merci, bonne à bientôt et bonne fête. Salut. Merci à vous aussi. Ciao à vous, bye bye. Et puis, on va se faire un petit peu de son maintenant avec la zik de Lady Gaga. Ça sera, c'est Paparazzi. Et puis, on reparle des iPhones dans un petit instant, puisque l'iPhone est au top de la politique. Hein. Ah, ouais. Oh là, au top du top. Le son de Lady Gaga à l'instant, c'était Paparazzi sur Énergie. On aura un petit son rock US tout à l'heure. Et puis, venez encore un nombreux sur le fanbook de l'émission et sur le Twitter, si vous voulez, mikl.fm. Vous cliquez sur la communauté et puis vous venez vous inscrire et vous ajouter à tout le monde qui se trouve sur le Twitter de l'émission et sur le fanbook. Voilà. Bon, on parlait, et j'en parlais d'ailleurs juste avant de passer le son de Lady Gaga, là. C'est le top du top, l'iPhone, hein, en politique. C'est Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre d'Intérieur, qui sort sa propre application iPhone. Alors, il se met en cours pour la présidentielle 2012 et il pense que c'est un bon moyen de faire parler de lui. Alors, dans cette application... Oui, il a pas tort, ouais. Ouais, c'est peut-être un peu tôt, mais... Bah, la preuve, hein. De quoi la preuve? On en parle. Oui, c'est vrai, au final. Donc, alors, dans cette application, donc, on retrouve des vidéos, des articles et la possibilité d'envoyer tous ces contenus sur son Twitter, son Facebook ou son mail. Voilà. Mais avez-vous vu l'info la plus importante? Non, mais tu vas nous la dire. Jean-Pierre Chevènement n'a pas d'iPhone. C'est deux conseillers, en fait. Voilà. Donc, le fait d'envoyer le contenu de l'application sur le Twitter, Facebook ou son mail... Aucun intérêt, je pense, hein. Mais bon, il y a d'autres hommes politiques, qui ont sorti leur application et il faut en écouter. Si vous voulez mettre votre fils au pouvoir sans que ça se remarque trop dans les médias, il y a une application pour ça. Si vous voulez être une star de la télé qui apparaît simultanément dans tous les journaux télévisés de France, il y a une application pour ça. Et si vous voulez faire bosser les gens le dimanche jusqu'à leurs 85 ans, il y a une application pour ça. Téléchargez Sarkoz, uniquement sur l'iPhone. Bah, évidemment, comme Sarko a sorti une application iPhone, rival s'est senti obligé de faire pareil. Si vous voulez, il y a une application pour ça. Ouais. Si vous voulez, il y a aussi une application pour ça. Et si vous pensez sauver le monde avec des idées aussi fortes, il y a une application pour ça. Téléchargez l'application de Ségolène Royal uniquement sur l'iPhone. Bon, alors qu'est-ce qu'elle va se faire chier quand elle réfléchit, elle. Et surtout, le mec qui est sur l'application. Ouais, en plus. Ça vient s'emmerder aussi. Et puis, du coup, avec ces deux applications, c'est parti. Tous les hommes politiques sortent la leur. C'est la fête à la saucisse. Hein. Si vous pensez qu'il suffit de porter un sac de riz pour nourrir les pays pauvres, il y a une application pour ça. Si vous permettez à vos potes de gagner plein d'argent en Afrique grâce à votre situation, il y a une application pour ça. Et si vous êtes prêt à envoyer des soldats français perdre leur vie pour défendre l'intérêt des USA, il y a une application pour ça. Téléchargez l'application de Bernard Kouchner. Hypocrite. Uniquement sur l'iPhone. Non, hypocrite, au moins là, tu sais, t'as le nom en tête. Ouais, ça reste. Il reste en tête. Hein, bah, voilà. Y avait Le Pen aussi qui a voulu faire, mais aïe, bon, on n'a pas voulu faire. Ouais, on l'avait, mais on s'est dit qu'on allait avoir des problèmes. Bon, est-ce que vous savez qui est Anne Hidalgo? Bah oui, c'est la meuf dont on a parlé tout à l'heure, l'adjointe du maire de Paris. C'est celle qui a balancé une photo d'une politicienne qui s'était endormie en plein conseil. Exactement. Et donc, Anne Hidalgo, donc, c'est celle qui a piégé Valérie Pécresse, et elle sort également son application iPhone. Écoutez. Si vous êtes une belle balance et que la délation, c'est votre truc, il y a une application pour ça. Si ça vous fait rire, qu'on se moque des politiciennes qui s'endorment au travail, il y a une application pour ça. Et si vous savez utiliser votre téléphone pour prendre une photo et la poster sur Twitter, Il y a une application pour ça. Téléchargez l'application Hidalgo, uniquement sur l'iPhone. Logique. Hidalgo, voilà. J'ai une question. Vous utilisez souvent un Twitter? Un Twitter. Oui, c'est tweet. Ah, tof, ça faisait même 20 minutes tout poil. Alors, c'est pas vrai, il avait tout dit poil. Si. Il a tout poil. Tout 12, poil. 12 minutes. Tout poil. C'est ça. Ah, mais ceci nous éloigne de notre débat. Est-ce que vous allez au Quick ou vous allez sur Twitter? Vas-y, apprends-moi. Ou on mange un sandwich. C'est bien qu'on t'a appris mille fois déjà. Hein. Mais ouais, mais j'y arrive pas. Twitter. Ah ouais, on voit ça, ouais. Twitter. Tweet. Tu dis oui. Mais c'est quoi la différence? Non, c'est pas la même prononciation. J'entends pas. Le contraire de non, c'est quoi? C'est oui. Voilà. Twitter. Voilà. Et non pas Twitter. Tui. Non mais attends, le pire c'est pourquoi que... Pourquoi ça te dérange, Tui? Non mais c'est pas comme si... C'est pas comme s'il parlait pas anglais. Ouais, en plus. En anglais, tu dis... Twitter. Voilà. Twitter. Voilà. Twitter. Tu dis pas Twilight, tu dis Twilight. Oui, donc je dis Twitter. Non, c'est Twitter. Twitter. Twilight. Twitter. Twitter. Twilight. Twilight. Pourquoi tu dis Twilight? Bah ça s'écrit pareil. Twilight? Non, il y a écrit light à la fin. Le début. Twilight. Bon, non, c'est les diphtongues. T'as des consonnes derrière. T'as deux T, donc ça se dit différent. Quoi? Diphtongues. Oui, mais t'as un W, si t'as pas un U. Oui. Bon, allez. Parlez du toit. Allez, parlons d'autre chose. Hein. Non, mais attends, parce que Toff dit sandwich. Moi aussi, je dis un sandwich. Un agenda. Agenda. Amanda aussi, Miss Amanda du 38, elle disait ça. Non, il dit Un homme jardin, elle dit. Bon, vous avez fini nous casser les couilles avec vous. Mais c'est super intéressant comme débat. Comprendre pourquoi les Belges. Les carottes sont cuites. Non, cuites. Pourquoi les Belges disent par exemple on va au Quick? Mais est-ce qu'on casse les couilles quand tu dis encore? Moi je parle français. Non mais attends, parce que. Ah, pardon, d'accord, alors. Non mais attends, Quick, c'est belge cette marque. Ouais. Qui plus est, donc tu fermes ta gueule et tu vas dire Quick. Comment on dit Quick? Quick, ça veut dire quick, rapide. C'est le mot anglais. Sinon, nous, pour pas se prendre la tête, on dit kick. Ouais, alors attends, si je puis me dire, puisque Leroux vient de lancer un débat. Il a lancé un débat sur Quick, là, on sait plus trop. Alors, pourquoi vous dites wagon et pas wagon? Ouais, d'abord. Parce que ça, je dis pas. Non, mais me fais pas un d'honneur. Je moi, sais je pas sais si vous avez raison ou si on non, a tort. Je mais moi, sais je te pourquoi, dis. Pourquoi, moi? C'est parce qu'il y a une voyelle derrière le W. Ah, et donc on dit V? Voilà. En même temps, une consonne belge. Une consonne derrière un W, vas-y, hein. Une consonne, ouais, c'est vrai. C'était un gros mytho de ouf. Je croyais que t'avais dit une voyelle, pour moi c'était une voyelle. Ah ouais, bah non, hein, ça, pour le coup, c'est raté. Bon, dans un instant, on va parler donc des termes les plus recherchés par les 7-18 ans. Alors, c'est un classement qui a été fait. C'est flippant. Et, Pokémon, c'est dingue. Alors, je vais juste vous donner le top 6 des termes les plus recherchés chez les moins de 7 ans. Moins de 7 ans. Ouais. Chez les moins de 7 ans. Vas-y, comment moins chez les 7 ans. Chez les moins de 7 ans. Le dernier. En 6. Yahoo, bon ouais. De recherche, info, météo. Ouais c'est toujours pas. Bien de chercher dans Google Yahoo. En 5, ouais, ça m'arrive moi. Ah oui, enfin, bah oui mais c'est drôle, tape Google.com, puis après elle cherche Google pour arriver sur Google.fr. Alors forcément, hein. En 5, Club Pingouin. Bon. Quoi? Club Pingouin. Je sais pas ce que c'est. Ouais, Pokémon, machin. Vas-y, va voir, c'est quoi Club Pingouin? Bah, je sais pas, Roux, attends. Là, mais c'est important. Oui, mais une seconde, attends, j'y vais. Et là, on va tomber sur une photo de l'équipe. Non, c'est PSG.fr, hein. Bon, attends, hop là, Google.com, et puis donc je tape Club Pingouin. Pingouin en français. Déjà, pour écrire Pingouin. Bah, c'est écrit comme ça, Penguin. Mais oui, c'est de l'anglais, ça. Penguins. Oui, bah, c'est marqué comme ça. Penguins. Explore l'île et fais-toi de nouveaux amis. Emmène Club Pingouin avec toi, des vêtements aux livres, jouets et jeux, visite la boutique Club Pingouin en ligne sur... Pour trouver. Ouais, bon, c'est un truc de frein, quoi. C'est des. Non, c'est un. Ouais. Ça sort d'un dessin animé, j'imagine. C'est un truc genre. Ah, c'est le monde virtuel des enfants. Ouais, c'est un truc genre Second Life, quoi. D'accord, ah, okay. D'accord. Je sais pas, putain, très bien. Tu kifferais, Sandro. Franchement, tu devrais. Bah, je vais aller voir. En 4. En plus, il parle et tout, c'est génial. Attends, t'as raté le 5, non? Ah non, je vais le lire, c'est Club Pingouin. En 4. Porno. Oh non. Eh bien. Ah ouais. Les moins de 7 ans. Ah oui. En 3. Oh, c'est ouf. Facebook. Oh, ouais, c'est plus possible. 7 ans. En 2, Google. Ouais. Et en 1, YouPorn. Non, YouTube. Oh. Ah, bah, putain, là j'aurais eu peur. Bah, porno, déjà, c'est pas mal quand même. Bah, porno, c'est pas mal, ouais. Moins de 7 ans. Et les moins de 7 ans. Hein. Mais ouais, comment ils font pour référencer ça? Comment ils savent que le mec est derrière l'ordinateur à 7 ans? Mais parce que j'imagine que c'est les critères, tu sais, quand tu vas sur des sites, au fur et à mesure, il arrive à affiner ton âge, Google. Ah, d'accord. Ah, je sais pas, ouais. Bah, j'imagine. Oh, c'est chaud. J'arrive à faire ça. Mais de toute façon, avec le porno. Je vais rentrer dans les détails. Avec iGoogle, tu remplis pas ta date de naissance? Je sais pas, moi, je suis pas sur iGoogle. Je vais dire un truc dégueulasse, mais ça se trouve, c'est les. Comment? Les frères et sœurs. J'allais dire les Belges, c'est horrible. Ah, oui, d'accord. Ah, bah, le dis pas maintenant. Alors, ne dis pas ce que tu voulais dire maintenant. Bah, non. Ah, ah, tu fais des associations d'idées horribles. C'est clair. Non, mais par contre, il y a la pas de McDo après. Ou alors t'auras un McDo, mais le roux il pissera dedans. Il voilà. Y a la saisie automatique. Donc ça se trouve, c'est le daron qui va sur porno. Ça, c'est possible. L'autre, il veut aller à Pokémon, sauf que ça met porno. Ouais. Tu vas chercher loin, Jack. Alors peut-être qu'il y a des hommes mal intentionnés. Ça n'a rien à voir avec l'idée que j'ai sortie tout à l'heure. C'est totalement autre chose. Les pédophiles. Par exemple. Peut-être pour rentrer sur des sites, ils mettent, ils demandent l'âge. Et tu vois, pour aller sur Club Pingouin, on demande peut-être ton âge pour t'inscrire et le mec il dit 7 ans. Ouais, ou alors Club Pingouin porno. Ah non, là c'est dégueulasse. Ah, je vérifie si ça existe. Oh. Bon, on donnera dans un instant le top des 8-12 ans et des 13-18 ans. On en parle dans un petit instant. Et donc Christophe va être fiché, Toff. Hein, si tu mets ça. Il y a Christophe du 19 qui dit pour Ségolène, l'application au nom de la France, e-pardon. Oui, c'est vrai. Hein. Effectivement, elle parlait tellement, elle en faisait tellement d'éteindre pour pardonner tout le monde et se faire pardonner de tout et n'importe quoi l'année dernière. C'est vrai, c'est vrai. On aurait pu y penser. Bon, on s'écoute Cascada dans un instant avec Fever. On aura aussi le nouveau Diams et puis un nouveau son Rock US tout à l'heure avant minuit. Bouge pas. Bouge pas. Fever part se brosser les dents avec son dentifrice goût oignon gorgonzola. Ça pue le vieux cul à Paris. Et Michael revient juste après ça. Le son de Cascada, Fever à l'instant sur NRJ, nouveau son Rock US qu'on mettra tout à l'heure. Il y a Magali qui est arrivée sur le chat qui demande si on va bien, enfin si les gens du chat vont bien. Bah oui, nous en tout cas on va bien, les gens du chat aussi j'imagine. Et puis bah les autres, si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas, vous venez sur mikl.fm, vous cliquez sur la communauté et vous pourrez vous inscrire au fanbook et au Twitter de l'émission. Twitter. Comme cuicui. Bon, on parlait tout à l'heure là des tops, enfin le top, c'est-à-dire que c'est le top des termes les plus recherchés par les 7-8 ans. On avait essayé tout à l'heure, enfin on vous avait dit les mots les plus recherchés par ceux qui ont moins de 7 ans, et en numéro 4 arrive quand même porno, c'est violent. Alors, le top 6 des termes les plus recherchés chez les 8-12 ans. YouTube arrive en 6ème place alors qu'il est premier chez les 7-8 ans, chez les moins de 7 ans. Ouais, après ils sont lassés hein. Club Pingouin, toujours cinquième. Ah oh, putain, c'est un carton. Putain, ça marche ce truc. Hein. Le mot porno est remplacé par sexe en quatrième place. Ah, c'est plus propre. C'est pas le même vocabulaire. Ah, je trouve il y a porno en tout cas. En troisième, c'est Facebook, comme chez les moins de 7 ans. C'est ouf. Google est second, comme chez les moins de 7 ans. Ça, c'est ouf qu'on cherche Google dans Google. Bah oui, je sais pas. Et alors, c'est les plus recherchés. Ça peut être n'importe quel autre moteur de recherche. Hein. Et alors, YouTube qui est premier et sixième. Donc, c'est YouTube.com est sixième et YouTube, j'imagine.fr est premier. Ah, c'est chez les Français. Je sais pas. Non, c'est quand les gens ils écrivent youtube.com en entier. Ah oui, ça c'est comme Sandro ça. Elle cherche un site où elle tape l'adresse directement, elle tape l'adresse dans le moteur de recherche. Ah oui, moi je trouve ça plus mieux. Ça sert à rien. Oui, oui, enfin. Bah bon. Si, parce que souvent j'ai jamais moi l'adresse complète de la www. Tu t'en fous, tu tapes youtube.com dans ta barre, ça il te sort YouTube. Même YouTube ça marche. Ouais, tu tapes. Oui, mais moi ma page elle s'ouvre sur Google automatiquement, donc je tape dans Google, je vais pas me prendre la tête. Non mais que tu tapes dans la barre Google ou dans la barre au-dessus, c'est la même chose. Oui, sauf mais je fais ce que je veux quand même, je peux garder mes habitudes. Ah oui, bah oui, tu as gardé cela. Oh. Tu peux, ouais. Bon, et alors attention, top 6 maintenant des termes les plus recherchés chez les 13-18. Ah, ah bah là, cul, c'est partout là. Numéro 6. Ah ouais. YouTube a laissé sa place à porno. Ouais. Porno en 6. Ouais. Numéro 5, MySpace, qui arrive, hein, puisqu'il n'était pas dedans. Ça existe encore, MySpace. MySpace, ouais. Mais ça marche, numéro 4, ça marche bien, MySpace. Ah numéro bon 4, c'est comme chez 8-12 ans, sexe. Ah, alors eux, ils ont porno et sexe, déjà. Ouais, exactement. Ouais. Google qui descend d'une place pour arriver troisième. Facebook qui monte d'une place pour arriver second. Et enfin, YouTube, hein, qui est numéro 1 chez les de moins de 7 ans à 18 ans. C'est YouTube. Ouais, donc on préfère quand même regarder des vidéos normales que des vidéos de cul. Ça dépend parce que maintenant sur YouTube il y a quand même des vidéos un peu chelous. Ah ouais, ouais. Je croyais que c'était En fait comme tu sais, tu dois les signaler les vidéos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit aller cliquer et dire ouais cette vidéo je valide pas le contenu etc pour qu'elle soit retirée. Mais tu peux mettre n'importe quoi comme vidéo. Donc ça veut dire ouais mais attends mais ça s'arrête à un moment ou un autre. Bah quand quelqu'un a cliqué en disant ouais c'est le contenu ouais. Quand une balance a frappé quoi. Ouais. Mais parce que vaut mieux qu'il y ait une balance. Mais parce que tu peux aussi cocher la case, t'as une case à cocher moins de 18. Tu peux bloquer pour ceux qui ont rentré. Ça veut dire que ce qui intéresse les jeunes en ce moment, c'est Facebook, le cul et YouTube. Ouais. Mais il y a porno aussi. YouTube, ça devient aussi, tu me diras. Ouais, c'est ça. Ça devient vaste. Ouais, c'est YouTube qui les intéresse, mais qu'est-ce qu'ils regardent sur YouTube? Ouais, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça, hein. Faut voir. Et moi, ça m'a choqué. Non, mais j'ai trouvé ça bizarre. Je regardais, je zappais, c'était quand? C'était dimanche soir, je zappais. je tombe sur bah la télé. Je tombe sur Paris Première et là il y avait un dessin animé de cul. Quoi, un oui, bah, Paris Première, oui, c'est pas. En même temps, Paris Première, ils y a font, tout. Ils font Paris Dernière. Je pense que c'est on est au summum non, du mais surréalisme. Là, c'était moins donc interdit au moins de 16 parce qu'en fait, c'était vraiment du porno, mais où ils avaient juste flouté du hentai, les tubs et du manga. Ouais, manga, ouais, tu es vraiment gars, ouais. Ça s'appelle donc, du hentai. Voilà, et donc ça ressemble à Juliette Je t'aime, mais en cul. Ouais, mais c'est ça qui est le plus beau. C'est ça, et sauf que tu vois jamais vraiment la chatte et jamais vraiment la bite. Ah si, là tu la voyais, sauf que c'était flouté. Ah, c'était flouté, ouais. Ils l'ont flouté, donc c'est vraiment un programme de porno qu'ils ont juste flouté. Un épisode, t'as regardé un épisode de Jeanne et Verge. Mais t'imagines un peu le truc, ces trucs de foot là où ça se termine jamais, le mec. Olivier est bonne, voilà, comme ça à la limite, ouais. Mais ça m'a choqué, je trouvais ça bizarre. Puis je tombe sur RTL 9, oh là là, le drame. J'avais l'impression d'être en Amazonie. Ah, de quoi, ouais, ouais. Moins de 16 ans, d'il y a 40 ans, ouais. Ah ouais, oh c'est triste. Ah bah oui, je crois qu'il n'y a pas de rasoir. Je crois que le pire c'est NT1, où en fait le lundi c'est un merde, pas un porno mais un de l'érotisme. Et voilà, érotique. C'est érotique, quoi. Ah, tu connais pas ça, tu connais que porno, porno, SM dégueu. Voilà, bon, et Gonzo aussi. Ah, j'étais très très bon site SM si ça vous intéresse. Ah non, ça ira, c'est gentil. Et donc en fait, la semaine suivante, en fait, c'est le même, mais le mardi. Ah bah oui, mais il faut recycler. Attends, il faut recycler, hein. Et Canal Plus fait ça depuis très longtemps. Ouais, bah oui, c'est vrai. Hein. Non, parce que Canal Plus, c'est pas à la même heure, au moins, ouais. Ils ont la décence de te mettre ça à une autre heure. Oui, pas toujours, maintenant ils ont plusieurs chaînes. Mais toi qui es passé dans Ça va savoir, oui. J'ai une bonne nouvelle. Alors je ne sais ça pas recommence. Comment. Non, ça recommence pas, c'est toujours les vieux qui rediffusent. Mais tu vas repasser. Mais oui, bah tu vas repasser, mais surtout, et là c'est le c'est quand même c'est le pompon, là tu vas pouvoir soit partir, prendre ta retraite, peut-être même te suicider, tellement tu auras tout fait dans ta vie. Puisque Ça va savoir passe après les films de boules sur XXL. Ah, donc voir la tête de Toff avec marqué XXL dans le coin en haut. Ah, c'est bon ça. Ça peut être beau. Faut être fier. Mais faut être abonné là par contre. De quoi ? Faut être abonné. Ouais. Ah oui, il faut être. Non, c'est peut-être diffusé gratos après le soir, des conneries comme ça. J'espère, parce que le mec qui s'abonne à XXL et qui tombe sur Ça va savoir, je pense qu'il est un peu vénère. Putain, ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Le mec qui se branle sur la tête de Simon Monson. Sur Toff, hein. S'il tombe sur son épisode. Ouais, ou sur Toff, ouais, effectivement. Allez, j'étais très très bon dans mon épisode. Après avoir. On va parler de cul, parlons Père Noël avec le jeu du sapin maintenant, c'est parti, on appelle quelqu'un et on va jouer au jeu du sapin comme tous les soirs et comme tous les jours d'ailleurs. Allez hop, je nettoie. Voilà, il y avait des crasses. Allô Jérém ? Oui. Salut Jérém, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Salut toute l'équipe. Ça va ? Salut. Ouais, ça va. Bon, je t'appelle pour jouer au jeu du sapin. Ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah, je te confirme. C'est super cool. Allez, on démarre. Énergie vous couvre de cadeaux. Bon, Jérém. Oui. Le concept est facile, il y a pas mal de cadeaux. Ils sont dans des boules de Noël. Et il faut tout simplement que tu choisisses une boule de Noël entre 1 et 20. Et puis on verra s'il y a quelque chose dedans, s'il n'y a rien, s'il y a un souhait de truc ou s'il y a de la merde. Tu prends quel numéro ? Bah la 3. La 3, t'es sûr ? Ouais, sûr, ouais. Allez, on fait péter la boule. Eh bien, c'est pas mal. Disque dur multimédia, enregistreur TNT, plus un ensemble... Le roi est jaloux, des dieux du stade. Oh, la chance. Eh ben, tu vas recevoir ça, le disque dur multimédia, enregistreur TNT, plus l'ensemble Dieu du stade. Joyeux Noël, Jérém. Merci, à vous aussi. Joyeux Salut. Noël. Ciao à toi, à bientôt, Jérém. Et puis, on remet le couvert tout à l'heure, hein, si vous voulez jouer encore au jeu du sapin, là, 612, débutez le message par Noël, et puis vous laissez vos coordonnées complètes. Dans un instant, on va se faire un petit GAV, et puis on donnera juste après la pause la réponse au qui c'est de ce soir. En 2005, l'ouragan Katrina ravageait la Louisiane. Florence Aubenas était en deux. Ahmadinejad était élu président. Et Indochine sortait un album. Mais la pire catastrophe... C'est l'arrivée de Mickaël sur Énergie. Cinq ans après, ils sont toujours là le soir. En 2010, le drame continue de 21h à minuit. Sur Énergie. Oui, oh, bah, peut-être, hein, on n'est pas à l'abri non plus que le Père Noël ait décidé, je sais pas moi, nous envoyer sur une radio dans un autre pays. Ouais, ou au Pôle Nord. Au Pôle Nord. Radio Noël. Ouais, mais putain, il ferait froid quand même. Hein. Non, j'aimerais bien y aller quelques jours, mais une année complète. Qu'est-ce que tu irais foutre au pôle Nord? C'est juste pour avoir la nuit polaire et la journée polaire. Ah ouais, c'est. Non, mais le fait qu'il fasse jour 24 heures sur 24, c'est quand même énorme. Ça me donne envie. Ou nuit 24 heures sur 24, tu te réveilles, il fait nuit. Tu passes ta journée, il fait nuit. Ouais, tu vas dormir, il fait nuit. Et non, mais il fait tout le temps nuit. Ah, franchement, quand tu te réveilles par hasard à 17h, c'est pas gay. Hein. Ouais, enfin, il faut pas se réveiller à 17h. Ou alors, inversement, tu te réveilles, il fait clair. Bon, là, normal. Tu vas te coucher, bah, il fait encore clair. Donc, tu n'as pas le réflexe d'aller te coucher. Donc, tu dis, bah attends, tu regardes l'heure, il est minuit, il fait encore plein soleil. Oui, ça doit faire bizarre, c'est vrai. Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça, tu restes pas là 15 jours. Je crois qu'il fait pas plein soleil. Si. Pendant un mois par an, en fait. Il fait plein soleil et un mois par an, sinon, il fait complètement nuit. Sinon, tu vois quand même la différence légèrement, quoi. Mais c'est comme un coucher de soleil, c'est un peu rose comme ça. Ouais, sauf quand t'es au mois de décembre, donc là, c'est la nuit polaire, et au mois de juin, c'est la journée polaire, et là, il fait que clair ou que nuit, en fonction de quel mois, bien évidemment. Voilà, bon, on rejouera tout à l'heure au jeu du sapin, et puis là, on va donner la réponse maintenant au qui c'est, avec Émilie qui est là. Salut Émilie. Coucou Mickaël, coucou l'équipe. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Bon alors Émilie, qui c'est qui chante cette belle chanson là alors? C'est magnifique, c'est tellement bon. Fabienne Cara. Eh oui. J'ai jamais entendu ce nom. Fabienne Cara de Plus belle la vie. Exactement. Moi, je dois avouer. La friquette dans Plus belle la vie. Ouais, je dois avouer, elle est pas moche. Je la voyais bien pire, mais en fait non, elle est pas si mal. C'est pas mal. Bon bah Émilie, c'est gagné, on va te filer les cadeaux comme promis. Merci beaucoup, je t'en prie. Tu vas donc retourner chez Micha au standard et puis tout simplement on va te prendre tes coordonnées et t'envoyer ton cadeau très très vite, d'accord? Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. Allez, bisous les techniques. Salut à toi, ciao. Et puis on va faire le GAV maintenant avec Jean-Baptiste qui est là du 67. Salut Jean-Baptiste. Salut toute l'équipe, salut. Ça va? Ouais, ça va salut. Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, alors. Donc, merci. Tu voulais faire un petit GAV, ce que nous allons faire immédiatement. Ça marche. Bah, écoute, effectivement, vaut mieux un ou un autre. Et alors, Jean-Baptiste, on va donc appeler qui ? On va donc appeler pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Explique-nous tout. Alors, j'appellerai mon père, quoi. Et donc, je lui dirai, en fait, qu'on aurait un peu bu. Ouais. Et qu'on aurait vu un Père Noël sur le marché de Noël. Et donc il distribuait des petits cadeaux et donc on l'aurait agressé pour lui voler ses cadeaux. Ah. Très bien, d'accord. Et donc forcément tu te seras fait griller en train de niquage du Père Noël. Voilà, il m'aurait volé le Père Noël quoi. D'accord. Ouais. Mais c'est ce qui est plus ou moins arrivé là. C'est Emmaüs. Non, les Restos du Cœur. Ouais. Les Restos du Cœur qui sont fait braquer tout leur. Ça, c'est dégueulasse. Tout leur stock de Noël. Alors, ah ouais. Je me suis dit peut-être qu'il n'y a que Emmaüs pour faire ça. C'est les jeux. C'est tous les jeux pour. Pour les enfants. Pour les fêtes de Noël, ouais. Dans le cul. Je crois putain, aussi. C'est dégueu. Franchement, ouais, franchement, un fourgon blindé à la limite. En plus, c'était beaucoup. Hein. C'était genre 300 ou 400 pièces. Hein. Ouais, c'était impressionnant. J'ai vu une histoire aussi d'un gamin qui a foutu le feu à la barbe d'un Père Noël. Putain. Encore là, peut-être qu'il vénère. Tu me diras, non, pour faire foutre le feu à la barbe du Père Noël, il n'y a pas vraiment d'erreur à faire. Hein. Bon. Sandro, j'avais dit ok pour l'ordinateur si tu joues pas pendant l'émission. Ah mais c'est pas possible. Non, elle a l'ordinateur dans les yeux. Elle a l'ordinateur, elle a l'iPhone et la boîte de chocolat. Et puis quoi encore? Mais non, mais je cherche la vidéo qu'on parlait tout à l'heure là sur le site. C'est pas vrai, tu l'as vu tout à l'heure. C'est comme que t'es Facebook en page d'accueil. Toi. Ah tiens, ça c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est Mickaël.fr. Je parlais de Toff qui n'a pas Facebook. Il n'a pas Facebook, mais en page d'accueil il a Facebook. Bon, on fait un jeu là, non? C'est bizarre. Elle écoute pas, elle croit qu'on l'agresse. Alors que c'est pas elle. Alors qu'on lui donne. Oui, parce que vous me cherchez là. Mais non. Je vous connais par cœur, je sais que vous me cherchez. On lui donne du pain béni pour qu'elle attaque Toff. Et non. Non, parce que qui c'est qui a lancé le truc Facebook? C'est Jack. Ah, tu comprends pas. Et Jack qui voit mon écran. C'est l'ordinateur de Toff. Ouais, ben. Toff qui prétend ne pas avoir de Facebook. Hein? Et donc je lui dis pourquoi ta page d'accueil Toff, c'est Facebook. Bon, on n'a pas un jeu à faire. Mais c'est possible, en fait, t'es bête ou quoi? Toff, pourquoi? Mais parce que voilà, c'est tout. Voilà, donc on n'a pas Facebook. Un jeu à faire. Ma page d'accueil, c'est Facebook si je veux, merde. Oui, mais t'as pas de compte. Ouais, non, j'ai pas de compte, mais ça n'empêche pas. Ouais, t'as un compte caché. Non, non, c'est sûr qu'il y a un sous-marin, mais c'est évident. C'est pas évident. Bon Facebook. Ouais, c'est ça. Bon, Jean-Baptiste, on va donc faire le GAV maintenant. On appelle. Pardon, on appelle directement. C'est ton père, c'est ça, hein? Voilà, ouais, c'est ça. Très bien. Et t'es censé être à quel commissariat? De Molsheim. Molsheim, d'accord, ok, très bien. Parfait. Et les faits seraient arrivés quand? Aujourd'hui. Dans la soirée. Oui, non, mais je m'en doute bien que c'est aujourd'hui, mais juste pour voir si c'était genre il y a une demi-heure, dans la fin d'après-midi, donc ouais, dans la non, soirée, vers 21h, quoi, un truc comme ça. Ouais, 21h30, quoi. Ok. Très bien, parfait. Et à quel endroit? Sur Aubernais. Sur Aubernais? Aubernais. Aubernais, d'accord, ok, très bien. C'est bon? Parfait, bah écoute, okay. Je pense que j'ai le matos qu'il faut là. Hein. Allez. On va pouvoir démarrer. On appelle ton père, tu lui dis bien évidemment que tu es au commissariat et qu'il doit venir chercher, qu'il y a une amende à payer, enfin bref, un drame quoi, d'accord? Ok, et l'amende, je dis combien après? Oh, dis rien, je gère après l'amende. Ok, ça marche. Ok, allez, c'est parti, on y va. Ça sera cher. Non! Ah, regarde. Non! Ça sera bien cher. Avec une bonne échoucroute. Non! Allez, on y va. Faut le temps qu'on... Oui. Allô, papa? Oui. Oui, c'est Jean-Baptiste. Oui. En fait, j'étais sur Aubernais tout à l'heure. Oui. Et en fait, il y avait un Père Noël qui distribuait des petits cadeaux. Oui. Et en fait, avec des copains, on avait un peu bu et on voulait lui prendre ses cadeaux. Oui. Et on l'a un peu agressé et on s'est fait arrêter par la police. Oui. Et donc, ils m'ont pris que moi, quoi. Et donc, je suis à Molsheim. Il faudrait que tu viennes me chercher, quoi. Ah non, moi, je viens pas te chercher. Tu joues au con, tu assumes tes responsabilités, mon gars. Mais attends. Comment je fais? Ah bah, tu te débrouilles. Attends. C'est pas possible. Réponds pas... Qu'est-ce qu'il y a? En plus, les flics, ils sont pas très nets, là. Pardon? Les policiers, ils sont pas très nets en plus. Oui, monsieur. Pour avoir demain, hein. Allô? Oui, vous rappelez dans l'après-midi, y a pas de problème. Allô? Oui. Oui, tu pourrais venir me chercher? Non, je te passe maman. Attends, tu te débrouilles avec maman. Si tu dis que les policiers en plus sont pas très nets, tu vas voir. Attends. Non, mais il faudrait. Tu peux pas venir? Ah non, je ne peux pas. Allez, tiens, où est ton fils? Il est chez les flics à Molsheim. Pardon? Allô? Oui, maman? Oui? Oui, c'est moi. Oui? J'étais à Aubernais avec des copains. Et on avait un peu bu. Et il y avait un Père Noël qui distribuait des cadeaux. Oui, non, mais oui. Et donc, on s'est fait arrêter, quoi. Enfin, je me suis fait arrêter que moi. Ah oui, pourquoi que toi? Bah, parce que les autres, ils se sont barrés. C'est sûr. Et donc il faudrait que vous veniez me chercher, quoi. Et t'es où là? Est-ce que vous allez mettre au terminé au téléphone, s'il vous plaît, là? Oui, attendez. Oui, mais avec ma mère. Attendez, oui, mais tu me passes le flic. Ouais, attends, je te le passe. Bon, passez-moi votre mère. Voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Est-ce que le jeune homme, donc c'est votre fils, hein, c'est ça, hein? Bah oui. Donc vous expliquez un petit peu la situation? Oui. Parfait. Est-ce que vous pourriez éventuellement passer le chercher ce soir? Mais vous êtes où là? Il est où? Ah bon, au commissariat. À Molsheim. À Molsheim. Ah oui. Donc est-ce que vous pourriez passer éventuellement le prendre ce soir? Bah ça, on n'a pas le choix. Hein. Ah, et je vous confirme effectivement que vous n'avez pas le choix. Par contre, est-ce qu'il vous a tout expliqué ou pas? Donc au niveau de... il était en train de dérober, donc... Ça se fait pas, surtout dans ces périodes-là, de dérober avec ses camarades un Père Noël qui était en plein milieu de la place, là, au Aubernais. Et du coup, effectivement, on était en train de patrouiller dans le quartier, on les a effectivement vus, on a réussi à voir que votre fils, puisque les autres ont pris la fuite. Donc du coup, effectivement, le Père Noël, je donnerai son nom tout à l'heure, bien évidemment, à porter plainte. Hein. Pas de l'esprit de Noël, hein. Donc, après, éventuellement, il faudrait passer chercher venir le chercher et puis payer l'amende. Hein. D'accord, mais son cadeau de Noël, il l'a trouvé. C'est parfait. Vous aviez prévu quoi? Ah bah, de toute façon, c'est lui qui paiera. Hein. Bon, enfin, de toute façon, ça... Ah oui, non, mais d'accord, ok. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Ah ouais, tout à fait. D'accord, ouais. Ok. Vous avez un chéquier, ces cartes bleues, liquides, comment ça va se passer? On sait rien. C'est pour préparer les papiers, hein, pour pas rester là pendant des heures, j'imagine. Hein, vous avez autre chose à faire. Hein. Allô? Oui, attendez, non, mais mon mari me parle à côté, donc... Mais dites-lui justement, je ne sais pas qui gère la bourse dans votre ménage, il y en a pour 750 euros. Hein. Pardon ? Ah, c'est les frais avec les déplacements et puis le Père Noël, hein, il va falloir le dédommager malheureux. C'est son métier, hein. Il avait des petits cadeaux comme ça pour qu'il vendait sur la place. Bon, vous justifiez pas, là, elle se ramène et puis voilà. Bon, vous pouvez passer ce soir, donc 750 euros. Et puis, parce que c'est Noël, avec 600 euros, vous venez et puis on fait pas de papier et puis comme ça vous payez moins cher. Comment ça vous faites pas de papier ? Non, mais c'est pour que vous puissiez payer moins cher. Bon, après, je voulais vous faire ça comme cadeau de Noël, hein. Si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Non, mais attendez, vous avez des tarifs, enfin, je sais pas, vous pouvez... Bon, elle arrête. C'est Noël. Vous donnez pas des prix comme ça. Non, mais moi, je vous dis ça, c'est pour vous aider, hein. C'est pour qu'il n'y ait pas de problème après, pas de traces sur votre fils, hein, après. Bon, écoutez, je vous le repasse deux minutes, je vais vérifier les papiers, ce qu'on peut faire. Je viens le chercher, j'ai rien à lui dire pour... Parfait, pour je vous le repasse. Plus au téléphone. Allô ? Oui, non, je viens le chercher, c'est bon, je pense que t'as rien à dire. T'as intérêt à te profil bas et la queue basse, hein. Là, non, mais... Non, pas de mais. Salut. J'ai pas fait exprès. Allô ? Enfin. Eh, c'est ce qu'il disait le père derrière. Ton père. On va le chercher demain matin. Demain matin. Regardez-les ou pas. Quel bâtard. Ouais, surtout qu'elle a raccroché au nez de son fils au comico. Ah ouais. Alors, elle est au commissariat, elle crève. Hein. Mais fais gaffe parce qu'elle va venir là. Ah ouais. Elle va venir. On va pas attendre. Non, attends, rappelle-la maintenant. Dis-lui que ça sert à rien de venir bon. Tant qu'elle a pas l'argent. Je la rappelle. Il a été transféré à la prison. Au bûcher. Non, attends, j'ai un truc. Oui. Oui, allô, monsieur. Oui. Bon, bon écoutez, donc c'est le commissariat. Donc visiblement votre fils est mal élevé puisqu'il vous a raccroché au nez. Non, c'est mon épouse qui est fâchée. Et qui a raccroché au nez son fils qui est au commissariat. Bah, elle lui a raccroché, elle lui dit maintenant tu te calmes et okay, tu te tais. C'est sûr, parce que je savais pas lequel des deux était mal élevé. En l'occurrence, je sais là. Pardon ? Non, je disais je ne savais pas lequel des deux était mal élevé, donc en l'occurrence, je le sais maintenant. Pourquoi ? Vous pensez que mon épouse est mal élevée ? Bah écoutez, raccroché au nez de son propre fils qui est en prison, elle est au commissariat. Mais monsieur. Enfin, je ne suis pas là pour juger l'éducation, mais tout de même, permettez-moi de donner mon avis. Monsieur, votre avis, vous avez le vôtre ? Bien sûr, mais je le donne. Monsieur, mon épouse a le droit d'être fâchée. Mais alors totalement. Ah bien sûr, évidemment. Enfin, de là à raccrocher au nez de son fils. Il a volé après, hein. Après, effectivement, peut-être qu'il manque un peu d'éducation et du coup, effectivement, on le retrouve dans la rue, quoi. Bon, monsieur, s'il vous plaît, oui. si vous voulez me dire ce genre de choses, vous allez le dire en face de moi. Eh bien, écoutez, pas de problème. Votre dame vous a dit pour l'amende, la proposition ? Vous déposerez une plainte. Comment ? Et puis, non, monsieur, pas d'amende à payer. Ah si, il y a une amende à payer, hein, ça c'est... Bah, une amende à payer, une amende de quoi ? 750 euros. Par rapport à quoi ? Par rapport au vol. Par rapport à l'agression du Père Noël, le Père Noël qui porte plainte, j'essaye de le calmer et le Père Noël serait d'accord de retirer sa plainte en échange d'un dédommagement moins cher, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas, monsieur. Ah, bon, bah alors, écoutez, c'est contrariant, ça, effectivement. Bon, écoutez, monsieur, je discute avec le Père Noël, je vous rappelle dans 5 minutes pour trouver un terrain d'entente. D'accord ? Mon épouse est en train de partir, là. Hein. Non, mais ça sert à rien, dites-lui qu'elle reste là, je la rappelle dans 5 minutes. Si ça se trouve, tout ira bien, dans 5 minutes, on arrête tout. Donc, on lui ouvrira pas. Voilà, de toute façon. Donc, dites-lui d'arrêter et que je la rappelle dans 5 minutes. Mais monsieur, elle est en train de partir. Rattrapez-la, dites-lui qu'elle ne parte pas. Monsieur ? Oui, monsieur. Bon, dites-lui qu'elle ne parte pas, s'il vous plaît. Je la rappelle dans 5 minutes. Ok. Je vous remercie. À tout à l'heure, monsieur. C'est comme ça qu'on dresse les gens, moi. Directement. Non, mais j'arrive ou quoi. Je pense que même quand tu vas leur dire que c'est une vanne, ils vont être. Ouais, je crois que ça va pas être drôle. Rien, on laissera les chats. Je vais te faire défoncer. Bon, on revient dans un instant juste après la pub. Et puis, bien évidemment, nous rappelons. À tout de suite. Bouge pas. Roux va soulever de la fonte pour se faire des pecs. Et Mickaël revient juste après ça. Le son de Diams à l'instant. Cœur de bombe. Comme ça qu'elle dit au début, hein ? Non, cœur de bombe. Non, je sais plus comment elle dit. Merde, j'oublie. Petit cœur. Non, faites petit cœur. Petit cœur est tombé. Ouais. Ça fait mal. Oui, c'est normal quand ton cœur tombe. Ouais. Techniquement, ça fait mal. Il y a eu un match de foot tout à l'heure aussi de la Ligue 1, 19e journée, Lens-Saint-Etienne, avec une victoire de Lens et Eduardo, la 91e, qui a mis le but. L'arrache pour les Stéphanois. Ouais, dans le cul. C'est dommage. Bon, on va vite rappeler Jean-Baptiste, on va rappeler ton père là et ta mère parce qu'ils avaient l'air un peu tendus hein, pour le GAV. Ouais. Je les rappelle Allô. Bonjour. Ah merde, ouh, ça pue ça. Ouh, ça pue du cul. Ou alors parce que tu téléphones à quelqu'un d'autre. J'appelle sur le fixe. Allez. Oui, ça pue. Ça peut partir au commissariat quand même. Allô, oui. Oui, allô, monsieur. Oui. Oui, voilà, commissariat de nouveau. Madame est encore là? Madame est en train de partir. Ah, encore, décidément. Est-ce que vous pouvez nous la passer, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, bon, je ne comprends pas pourquoi d'abord vous appelez avec un identifiant masqué. Ah, c'est le commissariat, ça, hein. C'est pour éviter que... Parce que c'est à une bureau, hein. C'est pour éviter que tout le monde nous rappelle, hein, surtout les jeunes, effectivement. Il n'y a pas de commissariat à Molsheim, d'une. Non, mais écoutez, je suis un menteur, alors qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, mais d'accord, bah, je suis un menteur, qu'est-ce que vous êtes bien avancé avec ça, hein. Votre fils, il est au commissariat et moi, je suis un menteur, bravo, bah, on est bien avancé. Passez-moi mon fils, si vous voulez, hein, monsieur. C'est incroyable, ça, quand même, passez-moi madame, s'il vous plaît, monsieur. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame. Bon, c'est bon, on s'est arrangé avec votre fils. Hein. Il dit que pour 300 euros, vous pouvez venir ce soir. Et donc, il dit qu'il vous fait économiser 450 euros, que c'est votre cadeau de Noël. Je vous demande de me passer mon fils, vous me dites où il est? Bah, je vais pas vous le répéter 100 fois, quand même, madame. Allô? Me répéter 100 fois quoi? Bon, 300 euros je et. Je suis ta maman, j'ai donc des devoirs, d'accord? Donc j'ai le droit de savoir où il est. Enfin, il est à Molsheim, combien de fois je vais vous le dire, madame? Je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous l'ai dit à monsieur également. Il est où le commissariat à Molsheim? Parce que moi, je connais pas Molsheim. Bon, écoutez, alors vous prendrez un GPS, je vous donnerai l'adresse dans quelques instants, mais et puis comme ça, vous trouverez moi, facilement. J'ai pas les moyens d'avoir un GPS. Bon, eh ben écoutez, vous irez voir sur viamichelin.com. Bon, c'est incroyable, je vous repasse votre petit. Bon, alors dites donc, c'est quand même surréaliste, ça. Je vous repasse votre mère. Oui, t'es où, là? Au commissariat à Molsheim. Non, mais t'arrêtes, là, un petit peu. Tu arrêtes? Arrête de quoi? Allô? Si tu t'es fait gauler à Aubernay, t'as aucune raison d'être à Molsheim. Mais c'était une patrouille de Molsheim. C'est une patrouille de Molsheim. Ah mais Jean-Baptiste, s'il n'y a pas de commissariat, comment tu veux qu'on fasse? Oui, ça te fait rire, toi. Bah dis-le à ta mère, tu vas moins rire, là. Bon, ouais, non, c'est une blague. T'es en direct sur la Morgie. T'es où, là? Je suis sur Anthony, t'es en direct sur Énergie. Je peux être en direct sur Énergie, je peux t'assurer que t'as intérêt à rentrer et la queue entre les pattes parce que tu vas t'en prendre une. Allez, ça, je t'avais dit qu'elle arrivera pas. Ouais. Attends, non, mais t'as pas autre chose à foutre? Moi, j'étais au pieu. Alors maintenant, tu te dépêches. Il va falloir rentrer, hein, Jean-Baptiste. Je viens hein. Chercher. En fait, le meilleur moment, c'est maintenant. Ah, bah, c'est parfait, en plus. Hey, en plus, t'as. Hey, il galérera pas pour rentrer. Jean-Baptiste, en plus, on va chercher en voiture. C'est cool, non? Par contre, elle est vénère. Mais non, mais ça, c'était sûr. Hein. Ouais. Mais tu vois, eh ben là, c'était un vrai. Ah oui, là, oui. Mais je crois que c'est jamais des vrais. C'était pas du mytho, là. Oui, oui, ça, non, oui. Dès le début, je vous l'ai dit. Hein. Ouais, c'était ouais, gris. Ouais. Que, bon, Jean-Baptiste. Il va se faire défoncer. Ben non, rappelle. Non, Jean-Baptiste. Elle va te dérouiller ta robe. Et attends, t'as pas parlé à ton père encore. On va filer. Mais il est la moins violent, je pense. J'ai l'impression. Ouais, mais ça n'empêchera pas qu'une bonne baffe en arrivant. On va filer une caméra numérique à ton père et c'est Micha qui va lui annoncer. Non, tu devrais lui annoncer, toi, ça va les calmer peut-être. Non, je préfère que ce soit Micha qui les appelle. Quel baltringue, hein, l'animateur. Je sais. Rappelle-le, vas-y. Non, vas-y, je te le repasse. Jean-Baptiste. Attends, on allume ton micro. Attends, on allume ton micro. Vas-y, rappelle-le en direct. Très bien. Je rappelle le père. Oh, le mec, on n'assume rien. Hein. Et allez, pour maman, il n'y a pas un truc aussi hein. Je te vais tomber sur la maman. Bon, ben. Allez, fais pas trop le malin, Micha. Ça sonne. Bonjour, c'est Micha. Non, mais j'assure. Pourquoi on n'a pas appelé? Oui, allô? Oui, Philippe. Le mec, il veut pas. Oui, bonsoir, c'est Micha de la radio Énergie. Alors, je vous explique, vous étiez à l'antenne, en fait, sur Énergie. C'est un canular hein, de l'émission de Michael. Donc en fait c'est nous qui avons demandé à votre fils de vous piéger. Donc, mais non c'est Vito. Tu dis ça, il s'est inscrit. Je vous demandais de pas être trop sévère avec lui. On aurait dû l'appeler à l'antenne effectivement. On est nous qui sommes cons là. Je vais vous demander de pas être trop sévère avec lui. C'est ce qu'il veut hein, quand même hein. La caméra, c'est lui qui a la caméra. Très bien. Alors vous gagnez quand même une belle caméra numérique et une radio Wi-Fi. C'est pour ça qu'il s'est inscrit. Donc en fait il s'est inscrit pour vous offrir des cadeaux. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Spécialement voilà. pour vous faire plaisir pour Noël. Oh, les mythos de Micha. C'est pas grave. En tant que discussion. Ah, c'est rien, mytho, ouais. Jean-Baptiste, c'est une bonne opportunité, une bonne excuse. Ouais, coup. Ouais. La bonne affaire. Bon, on peut négocier deux fessées alors, on réduit le truc. Deux fessées. Deux fessées, plus de sortie jusqu'à la fin de janvier. 2011. Juste. Bon, bah voilà, c'est bon, c'est conclu. C'est quoi? Donc plus de sorties jusqu'à fin janvier. Parfait. Et ça te fait rire, ça. Mais c'est bon, tu peux reprendre papa maintenant, Michel. Ah oui, ça fait marrer, ouais. Il y a maman qui rigole derrière, c'est mon signe. Ah, ah si, voilà. Non, mais attends, repasse-le-moi, il faut quand même que je gère pour être sûr que... Non, mais qu'ils vont bien le chercher, ils vont bien le chercher. La mère, elle l'a dit. Maintenant que le taf a été fait, tu peux, hein. Allô, maman? Non, papa. Ah non, c'est papa. Papa? Oui. Bon, une caméra numérique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une caméra numérique? Filmer. Bah, mais. Jamais content, hein. Bon, des films pour vos vieux jours avec maman. Bah oui, des films. Voilà. Non, mais on n'a pas autre chose. Si ça vous plaît pas, on a un DVD, des DVD, ça vous va? Non. Ah bah dis donc, alors. C'est le père qui choisit. Non, c'est Jean-Baptiste qui gueule. Oui, mais bon. C'est le père qui choisit. Philippe. Une semaine en prison, le Jean-Baptiste. Une semaine, ça va, parce que Micha avait proposé de pas de sortie jusque fin juin. Mais avec de la pâte et du pain sec, hein. Oui, bah, c'est parfait. Et bah, c'est parfait. Justement, et à partir du mois de janvier, il est en congé, et donc je voudrais que vous l'enfermiez. Bien sûr, alors, dans la cave. Ouais, ah bah, et ben pourquoi pas. Oui, mais on va vous laisser faire. Alors, par contre, maman va bien le chercher, hein, comme elle s'est engagée. Ah ben, elle est partie la récupérer. Là, parfait. Elle est fâchée parce que. Oui, oui. Par contre, elle est agacée. Ouais. Mais qu'est-ce que ça lui ferait plaisir à maman, une caméra numérique? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, maman, avec une caméra numérique? Je sais pas. Une radio Wi-Fi. Bah, c'est pour les souvenirs de famille. Une radio Wi-Fi pour écouter quand Nostalgie années 60. Quand vous serez plus là pour votre fils. Bonjour, Nostalgie dans la voiture. Ah, ben oui. Ben comme ça. Ben comme ça, vous écouterez Nostalgie 60s et 70s. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais le but. Mais c'est pour vous, hein? Oui, bah c'est aussi. C'est il a joué parce qu'il n'avait pas les moyens de vous offrir un cadeau. Et là, vous offrez un cadeau, vous n'êtes pas content. Si. Ah, ben voilà. Allez, je suis content. Il a un bon fond, votre fils. C'est vraiment mignon, quand même. Hein. Oui. Il ne savait pas ce qu'il y avait à gagner. Ah, bah, de nouveau, la maman, alors. Ben oui, donc en ligne, alors accepte-le, s'il te plaît. Ça va durer longtemps, comme ça. Ma soeur est complice aussi, hein. Ah, bah oui, là, c'est la balance. Ah, c'est dégueulasse de balancer la frangine. Jean-Baptiste, là, t'es vraiment l'enfoiré, hein, d'avoir balancé ta soeur. Arrête de crier dans le téléphone. Comment? Non, je parlais à Jean-Baptiste qui hurle dans le téléphone, on comprend rien. Bon, c'est pas grave. Oui, Jean-Baptiste, je vais te laisser en famille. Oui, ça marche. D'accord, passe une bonne soirée. Et bonne fête à vous, hein. Merci à vous également. Au revoir. Au revoir. Oh, il va prendre cher avec sa mère. Ah, grave. Oh, il va prendre cher. Ça va. En même temps, il l'a cherché. Avec sa rhum, il va prendre cher. Il l'a cherché. Non, tu sais pourquoi? Parce que les parents, ils vont se dire, ah, il a voulu nous faire un cadeau parce qu'il avait pas les moyens. Ils seront touchés forcément. Je crois pas, moi. Et puis t'as la sœur derrière qui va enfoncer. Ouais, vas-y, maman, défonce-le. Bah, c'est ça. Ouais, vas-y, prends la caméra et moi je vais faire un truc avec mon copain. Attends, par contre, on leur offre pas la caméra s'ils en veulent pas. Hein. Ça va être bien, ça va être bien. Mais ça, il va gérer Michel, c'est encore plus simple ça. Bon, on va passer au mec du jour maintenant, on est en retard, un peu comme d'habitude. Hein? Bah oui, ne changeons pas une équipe qui gagne. Bienvenue dans le mec du jour. De l'actu condensée à notre sauce, on perd pas de temps et on démarre avec les titres du jour. Nuit agitée. Gérard Depardieu a pété un câble hier en pleine rue. Le comédien s'est tout simplement acharné sur la voiture d'un particulier. Elle était garée devant un club échangiste situé près de chez lui et il l'a fracassé à main nue. Alors que s'est-il passé dans la tête de Gérard Depardieu? Personne ne le sait encore. C'était quoi comme voiture? Une Twingo ou une Multipla, je sais plus. Ah oui, non, mais là ça peut expliquer son geste. Hein. Oh. Ah, c'est oui, moi. En même temps, c'est quand même une Twingo. La Multipla, j'avoue. La multiplace, c'est ignoble. La multiplace, il y a bien rien qui est horrible. C'est quand même ça. Mais bon. Je sais même pas ce que c'est. C'est une pièce. Elle ressemble à une grenouille, comme ça, c'est un truc bizarre. D'accord. C'est un truc chelou, ouais. Bon, People en vrac encore. La nuit dernière, le scénario a failli mal se terminer pour Thomas Sisler. Retrouvons notre envoyé spécial, Pedro, en duplex d'un appartement à deux étages. Bonsoir, Pedro. Bonsoir, Mickaël. Alors, qu'est-il arrivé à ce jeune comédien prometteur qui a quand même joué dans Classe Mannequin? Eh bien, bonjour Mickaël, bonsoir à tous. Eh bien, alors que Thomas Sisley jouait un braqueur avec des amis munis d'armes factices dans un parking, l'acteur a été surpris par des policiers qui les ont pris pour de vrais braqueurs. Ah oui. Mais là où ça tourne à l'immense n'importe quoi, c'est quand un des potes de Thomas Sisley décide de viser les flics. L'un des condés se sent menacé et pan. Hey. Heureusement, personne n'a été blessé. Hein. Alors, le flic a tiré parce qu'il se sentait menacé de mort et il n'y a pas de blessé? Bah, attends, c'est un miracle, il ait tué personne, hein? Exactement. Donc, si on voit le bon côté des choses, et uniquement le bon côté des choses, l'incompétence de ce policier qui ne s'est pas visé, donc il a peut-être sauvé la carrière. Sa vie. Et la vie. Et sa carrière. Voilà, voilà. D'accord, donc le mec va reprendre le service et nous, on peut le croiser n'importe quand, c'est ça? Ouais, T'as tout compris, hein. Tiens, d'ailleurs, il est juste à côté de moi, là, à 10 mètres. Ah bon, tu veux... Mais ça veut dire que nous, on avait prévu de te rejoindre pour faire une bataille de boules de neige, donc on va peut-être pas prendre un tel risque, en fait. Hein. Si, vas-y, viens. Il s'est pas visé le site, de toute façon. Sûr viens. Ouais, bah attends, tu te dis. Bah regarde, si tu veux, je vais lancer une boule de neige sur ce con polo. Attends, je pose le téléphone pour viser. Oh, il y a Oui, bâtard, ils ont tué Pedro. Oh, le pauvre, effectivement. Ouais. Bah, il a eu beaucoup de chance. Te remercie, les filaments. Il serait mort. Hein. Ça nous aurait fait un bon con du jour, quand même, au final. C'est vrai. Hein. Allez, c'est incroyable, quand même, ces deux comédiens qui défraient la chronique en même temps. Thomas Sisley qui joue au braqueur, Gérard Depardieu qui joue au casseur. À croire qu'à l'approche de Noël, certaines stars pètent les plombs. Hein. Et non, en fait, Thomas Sisley et Gérard Depardieu viendraient de signer un contrat avec Gillette en remplacement de Thierry Henry et Tiger Woods. Gillette, malédiction masculin. Allez, on passe à autre chose ou pas, c'est l'heure du con du jour. Le con du jour est autrichien et il est très con. Hein, ça. Ouais. Oui, alors il a 70 ans en fait, ouais. Il habite à Klagenfurt. Ouais, c'est dur à dire. Hein. C'est où? Oui, Klagenfurt. Klagenfurt. Enfin, il habite là-bas quoi. Et en fait, il a eu une idée à la con, hein. C'est normal, c'est mon con du jour. Donc, en ce moment, il caille dehors et c'est difficile avec les bagnoles en fait, quand tu les fais démarrer, ça gèle, ça caille, nanana. Donc lui, il avait le même problème. Donc il a décidé d'installer un chauffage d'appoint dans son garage. Ouais, pour chauffer la voiture. Voilà, exactement, en fait c'était pour dégivrer le véhicule. D'accord. Donc le temps que ça dégivre, ça. Voilà, lui il est rentré bouffé, hein, tranquille. Et le souci c'est qu'il a pas pu finir de bouffer parce que son véhicule il a explosé. Oh putain, ah, bah oui, normal. À cause des vapeurs d'essence. Ah oui, c'est un idiot. Hein. Voilà, et il n'y a pas que le véhicule, puisque la maison aussi a explosé. Oh hein. Putain, et lui alors? Ça va, lui apparemment il a rien, puisqu'il a pu raconter l'histoire. Donc, ah bah oui, c'est vrai. Au pire, il a perdu deux bras, deux jambes. Il a dû chauffer le truc avec un chauffe-pétrole ou un truc, un truc à mazout. Quoi. Un truc à mazout, donc du coup les vapeurs avec la voiture qui tournait aussi, bah, du coup ça a fait exploser. Quel gogol. Bon, bah, merci beaucoup pour ce con du jour, hein, Sandro. Mmh. Allez, nouvelle séquence dans le mag, elle viendra de temps en temps au gré du vent, de l'actu. C'est la bonne nouvelle du jour avec Jack. Ouais, alors la bonne nouvelle du jour nous vient de Paris. On a appris que Ludovic Joly, l'attaquant de poche du PSG, avait déjà trouvé sa reconversion. Hein. Avant même d'avoir arrêté le foot, il a déjà sa reconversion. Ouais, il avait déjà ouvert un centre de remise en forme pour les sportifs qui est blessé. Ah, c'était lui. Ah oui, c'était lui. Ouais, c'était lui. Ouais, non, en fait. Un centre de remise en forme pour l'équipe. Les femmes d'entraîneurs. Des femmes d'entraîneurs. Oui, ouais. C'est dur d'être une femme d'entraîneur. Ah, moi, je peux comprendre qu'on a un joueur ailleurs. C'était le Denis. Femme de joueur aussi. Ouais, c'est Jack, heureusement que tu es là pour moi. C'est difficile en ces temps de froid. Hein. On n'est rien au foot, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Bref, le joueur du PSG lance un service d'accompagnement pour les sportifs. Alors en gros, si vous êtes riche et sportif, Joly s'occupe de tout. À partir du 4 janvier, il va lancer Ultimate Player. C'est en fait le tout premier service d'accompagnement des plus grands athlètes. Et l'objectif est de répondre aux attentes des sportifs de haut niveau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah, qu'il soit dentiste pour Ronaldinho par exemple. C'est pas mal. Non, c'est pas mal hein, comme système au final, pourquoi pas. Ou Cold Girl pour Tiger Woods. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Ou Cold Girl pour Cantona aussi. Ou Gant pour Thierry Henry. Par exemple. Mais sinon concrètement, ça consiste en quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Bah voilà, genre de demande auquel peut répondre la conciergerie haut de gamme de Joly. Donne les exemples. Par exemple, les athlètes pourront réserver un jet privé ou un hôtel après une compétition. Tu peux organiser un voyage exceptionnel sur une île privée des Caraïbes pour vacances en famille. Ouais. T'as obtenir des places en dernière minute pour un concert. Accéder à des lieux tendance et incontournables. Ou alors dîner dans un fameux restaurant parisien complet depuis des mois. D'accord. Vraiment avoir envie d'y aller à son truc. Ah ouais, je te confirme, effectivement, ouais. Eh ben écoute, pourquoi pas, hein, et on s'inscrit comment à ce truc là? Bah alors c'est ça le problème, c'est que la règle est très très stricte, hein. C'est pas, t'es pas ultimate player comme ça, tu le décides pas quoi. C'est sélectivité et expérience unique garantie par un accès au club limité à un numerus clausus de 1000 adhérents par an. Ah ouais. Et après étude et acceptation de la demande d'admission. Ah putain. Ça a l'air bien relou ton truc. Ça a l'air bien chiant quand même pour y arriver. Mais bon, comme c'est Julie, ils doivent donner des fiches de paye ou pas? Peut-être. Ouais. Mais comme c'est Julie, évidemment, le Ultimate Player devrait compter parmi ses membres de nombreux joueurs du PSG. Mais c'est quoi la bonne nouvelle dans tout ça en fait? Parce que qu'on puisse faire appel à Julie pour s'offrir un voyage hors de prix. Alors la bonne nouvelle, c'est que si Julie envoie tous ses partenaires du PSG au bout du monde, bah t'as une nouvelle équipe au PSG. C'est pas une bonne nouvelle ça? Ah bah oui. Ah oui, d'accord. Bah voilà, vu comme ça, effectivement, ouais, tiens. Bah voilà, c'est une très bonne nouvelle, Roux. Une excellente nouvelle. N'est-il pas? Bon, et puis à cause de ses performances moyennes avec l'équipe nationale argentine, certains Argentins reprochent au nouveau Ballon d'Or Lionel Messi de ne pas se sentir assez argentin. Et en France, c'est l'inverse. Avec son débat sur l'identité nationale, on aimerait bien qu'Éric Besson se sente un peu moins français. Alors, en revanche, si Domenech a envie de se sentir argentin, hein, qu'il n'hésite pas. Bien sûr. Allez, une petite astuce, une bonne idée. C'est l'heure maintenant pour finir du petit truc du jour. Une arme révolutionnaire aujourd'hui. Ah, de la violence. Et comme vous le savez, vous n'avez pas le droit de porter une arme. Pas de matraque, pas de taser, ni de bombe lacrymogène. Alors, c'est un boulanger... vraiment nul. Hein. Oui, bah oui. Alors, un boulanger français a inventé une arme de self-défense par hasard. Et ça marche. Et tout se passe à Boissy-Saint-Léger. Trois braqueurs décident de cambrioler une boulangerie. Ils entrent, menacent, attrapent la patronne par la gorge, évidemment, pour l'empêcher de crier. Normal. Et c'est alors que le boulanger arrive pour faire fuir les malfrats avec... de la farine, voilà. Qu'il arrive avec deux baguettes pour les taper. J'ai frappé, ouais. Non, non. Et pour se ressaisir, un des braqueurs se met à lui tirer dessus, en fait, quatre fois, mais à blanc. Au final, le fait d'être recouvert de farine a, semble-t-il, fini par déstabiliser les braqueurs, qui sont alors sortis de la boulangerie en courant pour prendre la fuite. Alors, petit truc du jour, n'oubliez... pas la farine. De quoi? N'oubliez pas la farine. Ah oui, n'oubliez pas de toujours vous balader avec votre paquet de farine. Effectivement, ça pourra, ça pourra vous sauver la vie. Ouais. C'est pas encombrant en plus. Non, ouais. Pas du tout. Allez, cette édition du Mag touche à sa fin. Terminons en beauté avec le quiz du jour maintenant. Attention, quiz du jour donc. Qui a dit des pantalons en cuir? Non, je n'ai jamais de truc aussi gay. Robbie Williams? Non. Lady Gaga? Non. Ricky Martin? Non. Il est gay comme un pinson. Bah, 50 Cent, P. Diddy, Eminem. Non. Petit indice, il adore les petites chattes avec des noms en consonance allemande. Pussycat Dolls. Non. Ah, il adore les petites chattes. Ah, bah. Merde, on doit faire un duo avec le mec là. Non. Non, c'est le pilote de Formule 1. Oui. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, effectivement, dans FHM, raconte que la tenue la plus moche qu'il ait portée était un petit un mini short très soyeux avec des chaussettes roses et marron pour le sport à l'école. Oh la honte. Voilà. Allez, qui a dit? On a dit qu'un lobby France 98 avait voulu avoir la peau de Domenech. C'est ridicule. Nous ne sommes pas organisés comme je ne sais quel franc-maçonnerie. Laurent Blanc. Non. Didier Deschamps. Non. Lizarazu. Thierry. Oui, Lizarazu, effectivement, encore dans le FHM du mois de novembre d'ailleurs, effectivement. Et enfin, qui a dit, plus mon blond est clair, plus j'attire les hommes et plus je vire au châtain, plus les femmes sont gentilles avec moi. Jennifer Aniston. Non. Paris. Lady Gaga. Non. Une femme. Merde. Fergie. Non. Heidi Klum. Non. Katy Perry. L'héroïne française de 2012. Ah, mais... Eva Green? Non. Non, je sais pas comment elle s'appelle. Toujours dans FHM, un interview qui a été donné. Merde. En 2012, c'est qui joue dans 2012? Je sais pas du tout qui est, c'est qui la meuf. C'est les franco-américaines, merde. Il l'a dit. Ouais, d'ailleurs, son prénom c'est Béatrice, mais le nom? Dal. Non, bah non. Béatrice Schlesinger? Non. Qu'est-ce qu'on offre à une meuf? Des cadeaux. Béatrice cadeau. La lingerie. Béatrice bague. Non. Béatrice sac. Une bonne paf dans la gueule. Mais non. Quand on offre des fleurs, on offre quoi? Béatrice Rose, eh oui. Rosen. Béatrice Bouquet. Carole Bouquet. Béatrice Bouquet. C'est vrai, ça marche. Bon, eh bien voilà, c'est tout pour ce Mac du jour. Un autre Mac du jour, un autre jour. Et on va revenir dans quelques instants avec un nouveau son rock US. Alors par contre, le titre c'est Make Me Shine. Mais alors, je sais pas comment on prononce le nom du groupe. Ça se dit en français, c'est Mathieu. M-A-T-I-E-R, donc Mater. Enfin bref, on l'écoute après quoi, restez là. Bouge pas. Voilà le son de Mater à l'instant, puisque c'est Mike, c'est Sim du 76 qui me dit que ça se dit comme ça, donc M-A-T-I-E-R, ça se prononce comme ça, donc Mater. Cécile qui j'ai entendu ça quelque part, elle aime bien, et puis Marie qui dit, je me suis moi aussi posé la question de comment ça se prononce ce groupe. En tout cas, j'aime beaucoup. Et ben ouais, ravi d'ailleurs. Ça pas mal du tout. Ah bon? Juste, ouais, j'aime pas du tout le son de la caisse claire. On dirait que c'est électronique, mais sinon, vachement bien. T'en penses quoi, toi, Sandro, de la caisse claire? J'en ai rien à foutre, personnellement. Moi, ça me dérange très vite, parce que comme tu l'entends souvent dans le morceau, si t'aimes pas le son de la caisse claire, après ça te fait. Il résonne pas. Ah bah oui, mais bon, ça après. Trop électronique, il est fade. Ouais, bah désolé, hein, je demanderai au groupe qui s'enlève ça directement. Ouais, ça serait pas mal. Ouais, qui change directement, parce qu'il y a un moment, faut pas déconner non plus. Hein. Bon, allez, on va. Ah oui, alors on en parlait depuis tout à l'heure, là, de notre ami. Rocco Freddy qui va participer donc à l'émission d'Énergie 12. Mes parents vont t'adorer. Ouais. Et lui va, va les brosser. Bah. Mais vous avez déjà vu cette émission? J'ai entendu parler, mais j'ai pas entendu. Ouais. Pour le coup, c'est pas mal. Ouais. En fait, en gros, c'est une star qui vient dans une famille qui. Elle fait croire qu'elle va se mettre avec le. Non, non, ils sont ensemble. Ils sont en couple. Hein, le piégeur, si tu veux, le mec qui est le fils ou la fille, ça dépend du couple. Comment compliquer un concept très très simple. Oui. La star fait croire aux parents qu'il va se mettre avec sa fille ou le fils. Voilà, enfin bon, ils sont déjà. Tu m'as dit non quand j'ai commencé à expliquer. Parce qu'ils sont déjà ensemble en fait. Ils habitent déjà ensemble. Qu'ils sont ensemble. Voilà, ils vont se marier, ils vont faire des plans quoi. Parce que les parents viennent dans la maison de la star. D'accord. Toi. Et donc du coup, effectivement, ils font croire. Alors, effectivement, nous avons chopé les sons, bien évidemment. De Rocco Siffredi, donc, qui participe à cette émission. Mes parents vont t'adorer. Imaginez la tête de vos parents s'ils rencontraient votre fiancé pour la première fois. Non! Et qu'ils découvrent que c'est une célébrité. Mais ne vous inquiétez pas, hein, d'accord que je suis une star du porno, que j'ai un sexe de 30 cm et que j'ai baisé plus de poutres dans ma vie que ton mari s'est masturbé. Mais je reste un homme comme les autres, hein. Oui, mais avec une grosse queue quand même. Un futur gendre loin, mais alors très loin d'être le gendre idéal. Franchement, je sais pas si t'as bien choisi, hein, quand même. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes parents vont t'adorer. Ce soir, notre complice est l'acteur porno le plus connu de la planète, Rocco Siffredi. Notre piégeuse, Stéphanie, 23 ans, secrétaire, blonde à lunettes, 1m73, 95C, tailleur Chanel, porte-jartel et talons aiguilles. Je le sais, ça n'a aucun rapport, mais on est à la radio, alors faut bien la mettre en valeur. Retrouvons donc nos deux amoureux chez les parents de Stéphanie. Alors papa, maman, je vous présente l'homme de ma vie. Bonsoir, je suis Rocco. Mais je vous connais vous, je vous ai déjà vu. Oh bon, tu le connais? Mais si chérie, je suis sûre qu'on l'a déjà vu ensemble à la télé. Si vous voulez, je peux enlever mon pantalon. Peut-être que vous me reconnaîtrez mieux. Ah oui, c'est vrai. Ah bah je vois qui c'est maintenant. Oh, bien. Et vous avez prévu quoi pour ce soir? Ah, là je vais aller la préparer en anal. Ce soir on a prévu une petite sodomie. Oh. Parce que votre petit cochon de fille, elle adore ça de prendre de son petit cul de salope. Après je l'emmènerai au 7e ciel et on finira avec une petite branlette espagnole. Mes parents vont adorer. Bientôt sur Énergie Toul. Voilà, exactement. Ça peut être un bon programme, hein. Ah, oui. Qu'est-ce que j'entends, mon idole, elle va faire la télé-réalité. Bonsoir, Roberto. Combien de fois je vais devoir vous dire de ne pas intervenir comme ça? On n'est pas dans votre salon, là. Oui, bonjour. Bonsoir, je suis désolé, mais c'est parce que je suis pris par l'émotion. Alors, je m'emporte, je parle. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave, Roberto, là. Bon, pour ceux qui vous découvrent, donc on peut dire que vous êtes un réalisateur de films de cul. Mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Maintenant, je suis un grand réalisateur de films de l'art. Sexe. Non, pour adultes. Hein, j'ai fait des films qui sont beaux avec de l'amour et du gros sentiment de minimum 25 cm. Oui, bon, on a compris, Roberto. Mais vous vouliez me dire quoi, là, si vous débarquez comme ça, un peu comme un cheveu sur un gland? Bah, je comprends pas que mon idole Rocco, il va faire une télé-réalité. Je suis déçu. Comment il peut s'abaisser à faire l'ouferme des plus très célèbres ou alors du secret des stories? C'est une caméra cachée. Ah, c'est un film de voyeur. Mais oui, c'est une bonne idée. Moi aussi, je vais faire tourner du caméra cachée dans la chambre d'hôtel, que ça sera la baisse du monsieur tout le monde, que ça sera du baise au naturel, que ça sera magnifique. Mais non, Roberto, c'est pas un film de cul, c'est une émission de télé normale pour rire. Ma comment, il n'y a pas de coup, ça fait défoncer par de grosses bites avant de que l'actrice, non. Elle non. Prenne le litre, non. Le litre, non, non, litre, non, litre, non, non, non, non, non, non, non, non, Roberto. C'est Noël, Roberto. Il n'y a rien de tout ça, là. Roger, je peux dire Roger. Rocco. Moi, je comprends pas, Rocco, il fait pas du sexe. Mais non, Roberto, c'est diffusé à une heure de grande écoute. Mais comment on peut prendre Rocco pour les faire jouer comme ça dans une sorte de film qu'il sort même pas sa bite, ma, qu'il est l'idiot, qui a osé faire ça, c'est honteux. C'est comme si aujourd'hui on faisait jouer Brigitte Bardot ou une stripteaseuse. Ouais. Personne n'a envie de voir ça, c'est horrible. Oui, enfin c'est Benjamin Castaldi qui prend de l'émission, hein, Roberto. Hein. Mais il aurait dû rester dans sa maison. Comment on peut avoir des idées aussi stupides? Oui, oui, bon, ça va, on a compris, Roberto. Hein, c'est grave. C'est... Mais enfin, je vais devoir faire un film pour me détendre. Là, je suis tout tendu qu'il faut que j'aille faire exploser mon volcan pour me calmer. Mais Roberto, mais c'est quoi votre problème? Il y a plusieurs. Mariam, pour me détendre, je me branle. Oui, ah, bah, c'est bien, parle ça. Pas ça. Je me branle. Pourquoi vous êtes si énervé sur, pour Rocco? Bah, enfin, j'ai fait le film de là. Quand tu fais ce genre de film, tu rêves de faire jouer des grands acteurs. Non, mais je comprends. Robert De Niro, Al Pacino, Alain Delon. Mais de quoi tu parles? C'est pas des acteurs, ça. Alors que Rocco, c'est une bite de scène. Oh, non, vous voulez dire une bête de scène? Maintenant, je vous dire une bite de scène, c'est une bite. Ouais. Je voulais faire un film extraordinaire avec de la magie, de l'amour. Le titre, c'est La Belle et la Bite. Et Rocco, elle va jouer la bite. Mais enfin, c'est quand même bizarre comme film. Hein. C'est particulier quand même. Tu as aucune coup. Tour. Tu as compris le jeu des mots. Tour. C'est drôle, non? Ah si. Ouais, enfin bref. Bon, c'est quoi ce film alors? Mais enfin, c'est simple, La Belle et les Bites, c'est une histoire d'amour moderne. C'est une femme qui est amoureuse de la bite et elle se rend compte que la bite, c'est un vrai homme qui ne demande qu'à être aimé pour devenir lui, c'est-à-dire un homme. Mais avant, La Belle, elle veut la bite pour qu'il baise. Alors les animaux, ils baissent. Et Rocco, avec son gros bite, il baise et elle baise. Mais non, c'est et là, c'est la lumière, elle jaillit comme une révolution qui transforme les bites en humains. Mais ça baise. Et ça oui, bon, bah, ça va, et on l'a compris. Ça termine en une orgie des flots du sperme qui coule comme un éruption litre. Il termine la sodomie. Oh, bon, ça ira, ça suffit, Roberto. Là, c'est pas possible, vous pensez qu'à ça. Bon, allez, au revoir. Merci, Michael. Je reviendrai avec plaisir. Ouais, avec le but. C'est ça. Et en même temps, personne ne vous invite, Roberto. Hein. Très bien, encore une fois. Merci, Michael, pour tout ce que tu fais pour le cinéma de l'art. Que c'est beau, que merci c'est beaucoup. Coup. C'est ça. Bon, allez, litre, au revoir, Roberto. Oui, bonsoir, bonsoir. Qui est là? Il a un problème avec ses litres. Ah, c'est dingue, ça. Ton litre. À la sécu, on met un soir de Noël, il vient pas. Il va nous flinguer le réveillon, dis donc. Bon, on va faire le question pour une réponse dans quelques instants. On va rejouer au jeu du sapin également. On fait ça dans 3 minutes. Restez là. En 2010, les Bleus tenteront de gagner la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Sarko tentera de stopper la crise économique. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que j'aille des caisses qui sont déjà vides? Et le monde tentera de mettre fin à la grippe A. L'épidémie s'étend, l'urgence est déportée. Et sur énergie, Mickaël tentera de faire encore plus con tous les soirs de 21h. Effectivement, on est là tous les soirs entre 21h et minuit. Toujours vos messages au 612, débuté par énergie. Puis vous laissez votre numéro de téléphone, bien entendu. Vous pouvez également lâcher vos messages sur mickaël.fm et vous viendrez dans la communauté pour venir rejoindre tous ceux qui sont déjà arrivés dans le fanbook de l'émission ainsi que sur le Twitter de l'émission. Voilà. Bon, on va jouer aux questions pour une réponse. Un des derniers d'année, hein. Ah. Et qui sait, peut-être un des derniers tout court. Qui va... Mais pourquoi tu dis ça là depuis... Bah je sais pas, on va peut-être changer de jeu, j'en sais rien, les prochains. Ah d'accord. Ça... Enfin je sais pas, j'en sais rien, moi je dis ça, on sait jamais, ça se trouve, on va sortir de la radio, on va se faire écraser. C'est vrai. J'en sais rien, donc c'est ce que je dis, il vaut mieux toujours partir du principe que c'est le dernier. C'est le dernier. Voilà, comme ça il sera bon. Voilà. Bon, il y a Myriam qui est là maintenant de Marseille et Loïc qui est là du 62. Salut tous les deux. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va bien, en pleine forme? À mon avis, Myriam fume. Pourquoi? Non. Ah, il nous a fumé des camels. Ça va. Alors là, pas du tout. T'as compris, Toff? Oui, Kamel Meriem. Putain, tu connais Kamel Meriem? Bah oui. Mais alors, si t'étais persuadé que personne n'allait connaître, quel était l'intérêt de faire la vanne? Faire la vanne pour Jack. Je sais alors, pas qui. Et puis pour, il sait pas qui. Eh ben les gens qui aiment le football. Enfin, la foot, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, sinon on va au Quick après ou pas alors? Au Quick. Je sais pas, je comprends pas. Au Quick. Ah putain, c'est con parce que j'aurais payé. Bon, bah tant pis. Hein. Ouais, ah ouais, on y va? Ah bah non, tu sais pas ce que c'est. Ah non, je sais. Mais moi je sais ce que c'est. Ah ouais, bah tant pis. Bon, Meriem et Loïc, on va donc jouer aux questions pour une réponse. Meriem, tu veux jouer avec qui? Avec Jack. Ok. Loïc, tu veux jouer avec qui? Avec Leroux. Avec Leroux. Très bien. Sandro, j'avais dit ok pour les télés dans le studio si tu regardais pas pendant qu'on était à l'antenne. Ouais, mais là je joue pas et tu détestes quand je participe au QPR quand je joue pas. Non, mais c'est pas possible, c'est bientôt on va te voir, je sais pas, moi je vais dire ok pour les chaises si tu dors pas pour les colères quand on est à l'antenne. Non, mais tu ne souhaites pas que je participe à ce jeu. Mais tu dois quand même être présente dans l'émission. Une vanne comme ça est arrivée, bam bam. Tu fous ma gueule ou quoi? Tu me demandes tout le temps de me taire pendant ce jeu. Une vanne, non. Quand je crie mon nom, tu me dis que tu ne dois pas jouer. Mais c'est des vannes que je dis, c'est des conneries que je dis. On va finir par lui demander de se taire. C'est ça qu'elle cherche. Bah ouais, mais c'est ce qu'il me demande tout le temps. C'est juste la première fois que tu obéis. C'est bien la première fois que tu obéis. C'est vrai. Quand ça l'arrange. Non, j'ai pris des nouvelles résolutions pour la nouvelle année. J'essaie de les appliquer dès maintenant. On est encore en 2009. Bon, Meriem, tu joues donc avec Jack. Loïc, tu joues avec Larousse. Yes. Ouais. Bon, vous êtes prêts? Prêts. Ouais. Attention. Ah ben déjà on va jouer à question pour une réponse. Allez, oui. Je veux presque oublier. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez, c'est parti. Attention, je répète, Meriem joue avec Jack, Loïc joue avec Loro. Attention. Top. T'en fumé Paul. Bon, on recommence. Attention. Top. Et oh, tu rigoles, là, Micha. Oh, là, avec son rire de con, là. Allez, top. Je suis né le 10 novembre 1977 à Atlanta, dans l'état de Géorgie, aux États-Unis. Je suis... Meriem. Barack Obama? Non. En 77, Barack Obama, si tu veux, c'est tendu, hein, Jack. Coca-Cola, mais c'est pas ça. Ah bah non. Je suis une jeune actrice et chanteuse américaine. Oui. Non. Merci. Jack. Brittany Murphy. Bonne réponse. À l'âge de 13 ans, je m'installe à Los Angeles afin de commencer ma carrière d'actrice. En 91, je décroche un rôle dans la sitcom Drexel Class, mais c'est en 2002 que je crève l'écran. Façon de parler, dans 8 Mile avec Eminem. Ensuite, j'enchaîne des films comme Pour le meilleur et pour le rire, Sin City. J'ai même prêté ma voix au film d'animation produit par la Warner, Happy Feet, où j'ai joué la belle Gloria. Au printemps 2006, j'emprunte à la carrière de chanteuse où je sors un single intitulé Faster Kill Pussycat. Ah ouais. Viendra ensuite l'album Durant l'été. Malheureusement, ce bonheur n'aura duré que 32 ans, puisqu'en effet, je suis retrouvée morte par ma mère à mon domicile de Los Angeles. Une crise cardiaque aura eu raison de moi. J'ai le même prénom qu'un certain Eddie dans Le Flic de Beverly Hills. Je suis donc Brittany Murphy. Deuxième question. C'est le même nom de famille, si je puis me permettre. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, le même nom. Non, non, il a dit non. Il a dit non? Ah, pardon. Non, j'ai dit prénom. Mais c'est... T'as dit prénom? J'ai dit prénom. On sent que t'as dit non. Il continue, c'est dingue. Mais t'as dit prénom ou t'as dit non? Ouais, j'ai dit prénom. Allez, deuxième question, vous êtes prêts? Prêts. Bah non. Prêt. Attention, top. Prêt. En 1943, à Almult, en Suède. En Suède, pardon. En Suède. Et en me détaillant, je signifie Ingvar Kamprad-El... Ikea. Roux, bonne réponse. Ingvar Kamprad-El-Talrid Agunairid. Pas sûr que tout soit bien dit, mais ça veut dire quoi? En effet, les deux premiers mots viennent de mon prénom et de mon nom. Le troisième du nom de la ferme de mes parents et le quatrième du nom de mon village. Comme quoi, ça tient à rien. Ah putain! Non, je ne suis pas Ingvar Kamprad, puisque je viens de le dire, sinon ce serait trop facile. Mon enseigne est bleu et jaune comme les couleurs de la Suède, de la Barbade ou encore du Nauru. Je suis un concepteur et détaillant de mobilier, d'objets de décoration en kit. À cause de moi, les couples se déchirent parce que l'un veut quelque chose et l'autre autre chose. Gad Elmaleh est un de mes plus grands fans, je suis Ikea. Je sais pas si vous avez vu, ils ont rappelé plus de 5000 chaises pour bébé Ikea. Qu'est-ce oui. qui s'est passé? Bah en fait, pas solide. Non, c'était dangereux parce qu'il y avait des trucs qui se déclipsaient et les bébés les mangeaient. Mangeaient des bouts du meuble. Ah, je croyais que c'était moi le truc où tu mets ton cul là qui pouvait tomber parce que c'était pas solide. Ah, d'accord. Non, dernière question, un partout. Vous êtes prêts? Chaud. Ouais, allez. Allez. Stop, je suis un ancien footballeur français. Je suis né le 15 octobre 1968 à Bayonne, dans le sud de la France. Zidane. Mauvaise réponse. Oh. Je suis le footballeur français le plus titré au monde. Je suis maintenant entraîneur d'une grande équipe, si ce n'est la meilleure de tous les temps. Non. J'ai pas moi. Loïc, ah, vas-y, Mariam. Deschamps. Didier Deschamps, bonne réponse. Ah, bravo. Et je suis le grand ami de Laurent Blanc ou encore de Zizou. J'ai joué dans des clubs comme Marseille, Bordeaux, la Juve ou encore Chelsea. J'ai entraîné l'AS Monaco, la Juve et maintenant le plus grand club de l'univers. Pablo qui a écrit ça évidemment, l'Olympique de Marseille. Je dis également pas mal de conneries comme Mamadou Niang au Mamadou Niang. Mamadou, hein, où j'aurais très bien pu dire que Ben Arfa a aujourd'hui fait le match de sa vie tant sur le plan tactique que technique. Et que malgré la défaite 12-0, on a vu un Morientes décisif. Ouais. On m'appelle Ladèche ou encore Dédé et mon nom ressemble à plusieurs chants. Je suis donc Didier Deschamps. Il a vraiment dit ça ? De quoi ? Ah, ouais, non, Morientes. C'est juste Pablo. Bon, on a perdu 12-0, mais Morientes a été décisif. Ouais. Voilà. Ouais, bon, Myriam, heureusement. Oui. C'est gagné. Bravo, bravo. Bravo à toi, Myriam. Dédicace, une victoire spécialement dédicacée pour l'Euro. Hein. Pourquoi ? Et tu m'as choisi moi ? Oui, je sais, mais. Mais je préfère Marseille, l'Euro. Marseille, l'OM. Ah, d'accord. Oh, oui. Que c'est gentil, il va te faire foutre. Bon, très bien. Myriam, en tout cas, c'est gagné. Je te repasse Micha au standard, ok ? Merci. Salut Myriam, et Loïc, tu reviens quand tu veux, passez de bonnes fêtes tous les deux. Ok, salut. À bientôt. Ciao à vous. Bientôt. Bye bye. Bon, et puis retour du question pour une réponse demain, bien sûr, dès 21h. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Bon, et dans un instant, on va jouer encore un petit coup là au jeu du sapin. Si vous voulez vous inscrire, 612 débuté par Noël, pardon. Puis vous mettez vos coordonnées complètes et votre numéro de téléphone. Et bravo à Sandro qui n'a pas mangé tous les chocolats. Bravo. Ouais, enfin, il y en reste un. Ah non, il y en reste deux. Non, c'est pas mal. Hein. Ouais, j'ai pas touché. T'en as mangé aucun ? Non. Pas bravo. Toff, il vient de mettre ses doigts et il était dans son cul juste avant. Ah bon, alors... C'est pas grave, il bouffe le cul à toi. Ouais, on sait d'où il vient, Pablo. Hein. Il a mangé le sigle euro. Chocolat euro. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on écoute Britney Spears dans un petit instant avec Tree. Et puis, on reviendra, bien évidemment, avec le sapin de Noël. On revient après. C'était le son de Britney à l'instant. Britney Spears avec... Tree sur Énergie, 21h minuit, on est là comme tous les soirs, vous lâchez vos messages, on sera là demain et le 24 décembre également pour passer le réveillon de Noël avec vous. Et donc soyez bien là puisque déjà le 24 décembre on va s'échanger les cadeaux entre nous comme on avait tiré au sort dans le bonnet du roux il y a 3 ou 4 semaines et comme on fait chaque année le 24 décembre d'ailleurs. Et apparemment donc le roux aurait un cadeau pour moi, un beau cadeau pour moi. Ah oui, tu vois. Non, il a pas dit beau. Il a dit que il aura j'aurais, un très du mal beau cadeau. J'aurais du mal à le revendre. Oui, non, ça se revend pas, ça. Ah, t'auras du mal à lui dire merci, moi, je crois. Sans doute. Non. Ouh, alors là. Non, tu vas vraiment aimer. Mm-hmm. Tu vas vraiment aimer. En plus, il y en a deux. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y en avait. Il y en a un qui va. Les deux vont te servir. Ils seront utiles à ta vie future. C'est du PQ. Non. Et voilà, ça, c'est utile. Comme ça, c'est comme ça, la rigueur, bon. Voilà, c'est comme je disais, c'est un truc que tu dois plus acheter, c'est bien. Voilà. Ah ouais. Ouais, mais tu l'aurais acheté toi-même. En plus, je sais que tu pars en vacances dans pas longtemps. Est-ce que je l'aurais acheté moi-même ? Non. Si, il y en a un, si, pas l'autre. Si. Ah, non. Si, l'aurais acheté moi-même, je ne pas d'indice. Non. Oh. Bon, on verra dans deux jours. Allez, patience, ça va bien se passer. Enfin, donc vous êtes derrière la radio, vous en branlez, mais. Vous verrez, quoi, on va dire ça comme ça. Bon, on va faire le gagnant du sapin de Noël, là, maintenant. On appelle immédiatement Nicole. Allez, hop. Cette année encore, Énergie vous couvre de cadeaux. Oh. Allez, on appelle Nicolas maintenant, c'est parti. Allô ? Allô ? Nicolas ? Hey. Salut Mika. Salut, comment ça va ? Ça va. Bon, salut, tant mieux. Nicolas, tu vas jouer avec nous au sapin de Noël. Ah, Noël. Eh ouais. Et donc, il va falloir faire comme tous les autres, hein, choisir une boule de Noël entre 1 et 20 et on va voir ce qu'il y a dans la boule après qu'on l'ait fracassée. Ah là, on peut voir la grosseur avant, non ? Non, tu prends une boule, n'importe laquelle. Bon, allez. Et numéro fétiche de ma chérie, comme d'hab, le 3. Le 3, comme tout à l'heure ? Eh ben, on va vérifier, hein. bien, c'est pas mal. T'as deux cadeaux, tu gardes le A ou le B. Et l'autre, tu donnes à ta copine en l'occurrence. Je choisirai après. Non, non, vas-y, dis-moi. Allez, le B. Eh ben parfait, tu repars toi avec l'ensemble Dieu du stade et elle repart avec l'écran LCD 32 pouces. Oh putain, ça va. Ah, je vais peut-être prendre l'écran. Ah non, bah, c'est trop tard maintenant, hein. c'est dit, hein. Ça, c'est... on peut plus faire marche arrière maintenant. En plus, c'est grâce à elle. Non, mais je pense qu'elle va choisir l'autre quand même. Ouais, en plus, c'est vrai, c'est grâce à elle que t'as choisi le 3, alors tu peux lui filer l'écran plein. Hein. Ouais, on va être gentil. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait chier quand même. Ouais, ça fait quand même chier. Bon, bravo à toi Nico, passe de bonnes fêtes. Ben, merci à vous surtout. Et puis, de rien, à bientôt. Nicolas, salut. Il n'a rien gagné. Ciao Nico. Bon, on rejouera bien évidemment tout au long de la journée au jeu du sapin. Ça m'étonne que le roux n'est pas encore passé à l'antenne, tu sais que je l'ai pas encore entendu un jeu. Pas encore ça. Oui, passer à l'antenne pour jouer à ça. Ah, tu vas me jeter en l'air? Non mais tu peux jouer dans la journée, tu vois. Oui, bonjour, oui, je vais jeter la boule numéro 13. Non, on est blacklistés, nos numéros sont blacklistés. Bon, il y a Estelle qui est là maintenant, puisqu'on parlait de cadeaux. Tiens, Estelle qui est là de Toulon, salut Estelle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Estelle. Comment ça va? Ça va bien, hein, et vous? Bon, oui, ça va bien, oui, c'est bientôt la fin de l'émission ce soir, là, donc ça va. Sandro est en train de compter les minutes pour aller bouffer son McDo. Tout va bien, hein, c'est à la cool, hein. C'est ta intervention. Ah non, t'as quand même pas le casque, t'as quel casque, là? Ah, bah, le mien, là. Ah, puisqu'elle t'a répondu. Ouais, non, mais elle peut juste pas mettre assez fort. Ouais. Estelle? Ouais. T'as quel âge? J'ai 30 ans. Quel âge est là? Quel âge est-ce, Sandro? 30 ans. Montre le fil, je te crois mais pas. Mais pourquoi tu je ne te crois pas. Mets le casque contre le micro. Il faut que ça fasse du larcène. De quoi? Mets le casque que tu as sur la tête contre le micro. Il faut que ça fasse du larcène. Il faut mettre plus fort. Ah oui, ça va. Oh là là. T'as cherché, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, putain. Oui. Alors c'est encore pire, alors ça veut dire que même sans son, elle est juste l'image. Elle est regarde la télé, hein. Faut quand même savoir, c'est un truc sur... C'est encore Michael Jackson là ou c'est fini? Non, c'est encore, ça vient à peine de commencer. Ah, c'est une soirée spéciale, je crois que c'est juste un reportage comme ça. Bah c'est un reportage, t'apprends plein de choses. Ah, ça m'étonnerait. C'est génial. Vrai. Bon, Estelle, on parlait des cadeaux échangés, à échanger, à revendre, etc. etc. Toi-même, tu as déjà revendu un cadeau qu'on t'a offert ou est-ce que tu as déjà grillé quelqu'un qui a revendu un cadeau que tu lui as offert? Ouais, c'est clair. Mais en fait, moi, une bonne copine à moi, en fait, avec qui je bosse, m'a offert une machine à pop-corn. C'est génial. Bah, t'aurais dû nous la revendre à nous. Non, franchement, c'est bien donné. En fait, franchement, j'en avais pas trop d'utilité et tout, donc je l'ai vendu à une bonne copine. Tu l'as vendu? C'est pas une copine. Ouais, franchement, quand t'as des copines qui viennent boire le café ou quoi, tu fais les pop-corn, c'est génial. Mais attends, c'est pire que ça. Déjà, d'une, elle a donné à quelqu'un d'autre. À une bonne copine et en plus elle a vendu. Ouais, donc elle a fait de l'argent, elle a fait une plus-value. Eh, franchement, il n'y a pas d'amis dans le business. Hein. Oui, ça ne nous étonne pas que ça sorte de ta bouche, tiens. Bah, en fait, tu vois, c'est important de dessus parce que bon, la nana en fait, donc qui je l'ai vendue. Ah oui, en plus tu l'as vendue à une amie, t'es bête ou quoi? Oui, je l'ai gardée. Oui, les filles, ça parle. Elle a super gardée longtemps et elle a revendu. Donc, en plus, elle l'a revendue aussi. Voilà, elle devrait vraiment être pourrie à ta machine. Elle a une nana qui, bon, apparemment, l'a pas gardée. Donc, elle a vendu en fait à la fille à qui. Qui t'a offert. Vendu au départ. Non, cinquième main. Du coup, au boulot, la nana avec qui je travaille, tu vois, elle me parle plus, ça fait un franc, ça fait la ça t'étonne en fait. T'as suivi un peu les différences de prix à chaque fois? Moi, en fait, je l'ai bien vendu, en fait, si tu veux, dans l'histoire, quoi. Ah, tu l'as vendu plus cher que son prix? Ouais, non. Je l'ai vendu plus cher que son prix. Oh, l'escroc. Ouais. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est gonflé de la part de la nana qui te l'a offert de te faire la gueule. Attends, elle a voulu t'offrir un cadeau. Ça se fait pas. Bah, oui. Non, mais elle a voulu t'offrir un cadeau. Si ça te plaît pas, c'est le risque. Oui, mais dans ces cas-là, tu vas pas le revendre en faisant elle croire que t'as aimé. Non, faut pas dire que t'as aimé, mais faut dire que tu l'as revendu. Et surtout, fais gaffe avec ce genre de cadeau, parce que tu sais, on t'offre ça, machin. Ça veut dire que dès que la meuf elle va revenir ou un peu plus tard elle va dire ah et au fait on se fait le popcorn avec la machine que je t'ai offert. Ah ouais. Elle est tombée en panne, tu sais, elle marchait pas très bien, t'as acheté un peu de la merde. Ouais, ouais. C'est ça. Oui, quand même c'était une marque, ça m'a quand même coûté 280€, hein. Ah ouais. Bah, j'avoue, ça se dit pas trop que t'as revendu le truc quand même. Voilà, non, ça se dit pas. C'est vrai, ça se dit pas malheureusement. Ça se dit pas. Parce que, à la limite, quand tu reçois, tu peux revendre des trucs facilement, tu sais, la meuf elle peut pas venir te demander, genre n'importe quoi, tu reçois un tour en hélico, Tu sais, l'espèce de petite boîte Smartbox là. Tu vois, t'as kiffé l'électronique? Oh, c'était génial. C'était énorme. Ah ouais, t'as la vidéo? En fait, t'as jamais été, c'est ça? Pas forcément, t'as jamais été, t'as revendu la petite boîte. Mais tandis que si on t'offre un appareil, et surtout qui sert à faire de la bouffe ou du café ou n'importe quoi, la meuf, à un moment, elle va revenir chez toi et elle va dire, on va essayer le truc. C'est clair, c'est une rapidité monstre, quoi, tu vois. Donc la nana, du coup, laisse tomber, quoi. Mais cela dit, si vous recevez des cadeaux, bien évidemment, n'hésitez pas à me mettre en promis sur la liste de la revente, hein. Je donne ma condition. mikl@energie.com. Ouais, vous m'envoyez une petite photo, vous m'envoyez un petit descriptif, et puis votre prix, et puis je vous dirai si je l'achète ou pas. Hein. Ah, vite fait, vous avez pas des idées cadeaux là? Vous allez acheter quoi à vos darons? Moi je t'ai dit Dr House. Dr House. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté la bande dessinée de Zep. Ça s'appelle Apisex aussi. Ouais, d'accord. Mais pour ma soeur, un petit cadeau. Moi j'ai un bon truc pour toi. Juste pour les parents. Non, mais pour j'ai acheté à mes parents. Juste pour toi, c'est parfait. Quoi? J'ai rien pris. C'est bien ça aussi. J'ai rien pris. Bah oui, leur cadeau, ce sera de te voir. Ah bah non, bah même non, pas. Bah non, même pas, je suis pas là. Ah putain, la classe. Ah, ta mère, toi, t'as rien pris. Non. C'est pas mal. Pourquoi tu sais pas quoi offrir à ta daronne? Non. Bah offre-lui un prénom déjà. Ah Valérie, mais il est pas mal le sien. Il y a plein d'idées cadeaux, je peux t'aider si tu veux. Hein. Oh oui, mais tu vas pas. Je sais pas, demande à ma soeur, c'est elle qui s'en occupe. Évite les crèmes antirides et des trucs comme ça. Ah oui. Maman, allez, 50 piges, tiens, pour les crèmes antirides. Franchement, pour les nanas, les smartbox et tout, c'est génial. Non, ouais. Ça fait vraiment le cadeau impersonnel, quoi. Mais si, c'est nous, on kiffe tout le temps. C'est un catalogue, dedans tu choisis ce que tu veux, donc t'as le choix, c'est génial, moi je trouve. Je trouve que c'est une super idée. Mais sinon, tu peux faire le truc. Le message est passé. Tu peux faire le truc classique, genre... Non, pas spécialement, non. Le parfum et tout ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être sévèrement burné pour se taper un Sephora en période de Noël. Non, mais je peux pas. Non, parfum, tu peux pas. Non, parfum, sauf si tu connais ce qu'elle met. Ouais, je sais pas. Mais ne prends jamais le risque d'acheter un parfum. Au hasard, ouais. Tu t'offres à quoi, toi, Estelle, à la famille ou parents, je sais pas quoi? Bah, écoute, moi, cette année, je vais offrir des bons d'achat, tu sais, en fringues ou quoi. C'est impersonnel. Ça, c'est vraiment. Non, mais c'est pas vrai, ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est peut-être impersonnel, mais au moins, tu achètes ce que tu veux. Et t'es sûr que ça fait plaisir. Non, hein. Mais moi, non. Je trouve ça bien. Mais bien sûr que si. Parce que rouille, il a le cœur et le sentiment qui va avec. Ben ouais, ça sert à rien. T'offres quoi, tes parents? C'est ce que je viens de dire, demande à ma sœur. Voilà. Je ne sais pas, moi c'est pareil, en général c'est ma soeur qui gère, et après elle me dit voilà ça fait tant, je donne la moitié, puis basta. Mais c'est parce que vous n'aimez pas vos parents. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Si, parce que vous ne prenez pas le temps Pas du tout, ma soeur m'a appelé, elle m'a dit ouais j'ai un super cadeau et tout, machin, c'est je sais plus, que 70 euros. Tu t'auras tellement, oui. Tu t'auras oui, ta mère, c'est même pas ce que c'est. Tu connais le prix, mais tu sais pas ce que c'est. Tu vas découvrir le cadeau en même temps que ta mère. Ouais, mais ma soeur a une super bonne idée, je lui fais confiance et donc je lui ai donné la tuerie. Voilà, donc tu vas découvrir le cadeau de ta mère en même temps qu'elle. Donc, le cadeau que t'es censé lui offrir. Voilà, et t'as pas à t'en branler, t'en as rien à foutre. T'offres quoi? Pareil, c'est ma soeur qui s'en occupe. Voilà. Et tu connais le prix? Non, même pas. Ah, voilà. Même pas. Tu vois, c'est toi qui dis même pas. Ouais, même pas. Même ouais. Pas. T'as vu comment je m'en branle? Même pas. Bon, Estelle, merci à toi d'être passée en tout cas. Bonne fête. Ouais, merci. Bonne fête à vous. Profitez bien, la famille, tout ça. Bonne fête à toi aussi. Salut à toi. À bientôt. Bon bisous, à bientôt. Ciao, bye bye. Dans un instant, The Pierre Show avec Sandro en guest. Ah, ça fait plaisir. Ouais, ça me dérange pas. Ouais. J'aime ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis au niveau du son, là, on va se faire un petit son de la cave maintenant avec. On va se mettre Chevelle. Voilà, Chevelle. Ah, ça, c'est pas mal. Ça. Avec. Ah, c'est pas mal, Chevelle. Un des disques préférés du roux. Oui, bah oui, mais il arrête pas de me le demander. Hein. Il me fout avec ça. C'est lui qui choisira tous les disques. À chaque fois, il me demande son iPhone. Chevelle maintenant avec The Fad. Écoutez ça, donnez votre avis. Vous aimez, vous n'aimez pas. 612, débutez votre message par énergie. Et vous retrouverez ça sur mikl.fm. Chevelle, The Fad, et juste derrière The P.O.L.O. Show. Et voilà le son de Chevelle. À l'instant, c'était The Fad sur Énergie. Trop bon le son, merci Mickaël, t'es excellent, changez pas. Et Sandra, je t'aime, c'est Jérémy de Montélimar. J'aime, bonne musique, bonne soirée à tous. Le début, ça fait genre film de combat. Trop de la bombe le son, c'est la première fois que j'entends bonne fête de fin d'année à vous. C'était Manon. Eh ben, avec plaisir. Et puis j'espère que vous avez bien kiffé. En tout cas, c'est pas du ce style de son là que vous allez entendre sur d'autres radios. Et profitez bien d'ailleurs. Bon, The Pierre Show? Oui, bah allons-y. Hein. Bon, bah c'est parti alors. Pour ça un peu. Ah bah, c'est hey, c'est Jared from 30 Seconds to Mars and you were listening to the Pierre Show. Tu veux faire de la radio? Pour faire de la radio, il faut avoir une voix, il faut avoir des facilités verbales. Attention, minuit 12, à minuit 15, Pierre Show sur Énergie. tout ce que je fais est incompris. C'est vrai que tout ce que je fais est incompris. Il faut surtout, pour répondre au jingle, il faut surtout connaître des gens pour faire de la radio et ça suffit. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer tout de suite avec un jingle, une pub et on se retrouve juste après. Tu es gothique, tu es fasciné par la mort et tu aimerais savoir comment tu vas finir ? Envoie mort au 666. Mort au 666 et tu sauras si tu vas mourir étouffé dans une valise à roulettes ou si tu vas finir écrasé par un piano à queue. Envoie mort au 666. Tu sauras enfin si tu seras noyé dans une bassine de vomi de porc ou si tu vas être mangé par un poisson rouge affamé réduit à l'esclavage par une bande d'ivrognes altermondialistes. Mort au 666. Envoie vite, t'en as peut-être plus pour très longtemps. Hi, wir sind Aloha from Hell. Und ihr hört die Once again. C'est bon cette petite petite fille qui parle en allemand, non ? Hein, Paul ? Paul est tout excité, il frétille comme un petit poisson. Il découvre l'AREA, qui est son métier, sa passion, et nous lui donnons sa chance en ce moment. J'espère qu'il sera heureux dans la vie. Hein, Paul ? Pour Noël ! Merci pour les chocolats. On commence juste avec je ne sais qui est là. Oui, Polo ! Ouais. En fait, Evelyne, je voudrais savoir si Johnny Chase peut jouer dans mon film. C'est quoi ton film, Johnny? C'est L'homme et la plume. En fait, savoir s'il peut faire un stylo. Un stylo plume, bien sûr. Oui. Ouais, d'accord. Bah, j'en sais rien. Casse-toi d'ici. Qui est là? Polo. Ouais. Bon, voilà, j'appelais juste pour te souhaiter un joyeux Noël. Bah, merci. Hein, parce qu'on m'a dit que t'étais tout seul. C'est Noël. Qui es-tu? Je préfère garder l'anonymat. Bon, bah, très bien, garde-le alors, si tu veux. Bah, je te souhaitais juste un joyeux Noël. Bah écoute, joyeux Noël à toi aussi. Voilà, ça me fait plaisir, hein, puisque bon, bah, on m'a dit que bon, tu passais Noël tout seul. D'accord. Tu serais abandonné. Ouais. Passé, ouais. Et donc en fait, bon, je te proposais de peut-être se rencontrer. Non, ça ira, je n'ai pas besoin d'amis, ouais, surtout pas de toi. Non, on se retrouve pas. Je vais au bois, je serai habillé en blanc. Bon. Et je pourrais t'emmener faire un tour. Écoute, si je m'ennuie un peu, je passerai au bois te voir, d'accord? C'est vrai, j'ai vers quelle heure? Allez, casse-toi d'ici. Le public est arrivé. Ouais, et toi? T'as bu un peu, le public? Ah bah si, t'es passé. Si, ça sent. Non, bon, ok. Le public est pas très bien ce soir. Je sais pas ce qu'il a. Bon, ok. Qui est là? Ouais, oh là là là. Ouais. Profite-en, mon pote. Profite-en de m'entendre. Oh, tu sais, profiter de t'entendre. Je peux t'enregistrer. Polo. Je t'écoute. Il est là, Ikaël. Non, il est pas là. Arrête, Polo, sois gentil pour une fois. Oui, pour une fois, il est pas là. Non, mais c'est vrai, en plus, il y a personne, je suis tout seul. Le public est là. Il va falloir s'habituer. Sadra est là. Non, ça, Sandra n'est pas là. Sadra, elle est pas là. Sadra. Elle s'est séparée avec la club dans la voiture. Quoi? Elle s'est barrée avec. Sadra. Non, oh là là, putain. Vas-y, fais vite, monsieur. Viens-en au fait. On t'a jamais. Polo, arrête. On t'a jamais. Bon, vas-y, allez, vas-y. Sadra. Quoi? Mais passe-moi Sadra. Elle veut pas te parler. Elle a dit, j'aime pas les têtes de con. Eh ben oui, mais elle m'en fout. Eh ben oui, mais alors qu'est-ce qu'elle fout avec l'autre? Sadra. Sadra. Elle veut pas te répondre. On l'a attachée dans le fond du studio. On l'a interdit de parler. Et bah pour la tête, du gigue dans la gueule. On va voir, c'est parfait. Monsieur, arrêtez d'être vulgaire. Vous savez, c'est pas bien. Polo. Quoi? J'ai entendu Ikaël. Oui, il est là-bas, là aussi. C'est un jingle. C'est des jingles que j'envoie comme ça, des petites voix. Polo. Quoi? Tu peux dire à Ikaël quelque chose à moi, pour moi? Bah, tu peux lui dire toi-même. Dis-lui, envoie-lui. Envoie-lui un pigeon. Ikaël, attends-moi. Oh, tu m'entends, Ikaël? Non, il t'entend pas. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est autiste? Bon, oh là là, monsieur, dégagez. Allez, foutez-moi le camp. Polo. Quoi? Tu dis à Jack, pas merci pour son texte. D'accord, je lui dirai, au revoir. Polo. Quoi? Il est là, roue? Non, il est pas là. Qui est là? Thomas? Ouais. T'as fait tes devoirs? Bah, lâche-moi avec ça, sérieux. Alors casse-toi si je dois te lâcher avec ça. Qui est là? Allô? Alors, mais je rigole pas, à un moment donné. Oui? Ouais, c'est Jean-Pierre Vulgaire, ça va, enculé de paraf. Ça va, Jean-Pierre Vulgaire? Ouais, nique sa mère, t'as quoi? La dernière fois, j'étais là, fils de pute, là, il arrive. Moins de vulgarité. Jean-Pierre Vulgaire! Attends, je suis pas vulgaire, t'as quoi? Ferme ta gueule, Jean-Pierre Vulgaire! Et l'autre, je vois un fils de chien, là, il fait quoi? Jean-Pierre Vulgaire, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'était pour donner des cours. Des cours de quoi? Pour donner des cours de fils de pute, tu vois, où sa mère, les gamins, les bouffons, là. Bon, Jean-Pierre, c'est trop, là. Des cours de bonne manière. Jean-Pierre, je comprends pas ce que tu dis. Je veux donner des cours de bonne manière, tu comprends, cette cours, hein? Non, je ne comprends pas. Tu comprends pas? Oui, oui, mais non. Bon, non, Jean-Pierre, non, allez, dégage. Bah... Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Allez, pour terminer ce polo show en beauté, monsieur H, t'es gardé en réserve. Dernier mot, mec. Ouais. Dernier mot, putain, ça va être. Polo. Quoi? Vous êtes une sacrée bande d'enfoirés, mais qu'est-ce que je vous kiffe. Allez, casse-toi. Allez, s'achève le polo show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci à surtout à ceux qui n'écoutent pas, car tous les soirs, je suis dernier. Et ça, c'est beau. Voilà, c'est fini. Oui. Ciao. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, rencard demain, bien évidemment. Et puis une balou aussi. On se retrouve demain dès 21h. Bien entendu, le 24 décembre, on sera là également. En revanche, j'ai appris donc que pas de best-of. Prévu, donc bah il y aura de la zik à la place. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il doit certainement y avoir une raison bien bien précise que je ne dois pas concevoir ni comprendre. Mais en tout cas, il n'y aura pas de best-of, contrairement à ce que je vous avais annoncé. Voilà. Mais en tout cas, on sera bien là demain et après-demain. Vous inquiétez pas. Passez une bonne nuit, tout le monde. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et donc rencard demain 21h. Ciao.